t'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu profites dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. J'ai la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. J'ai la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bomba. Client, bonsoir. Écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie. C'est mieux qu'une paire de ballerines partant de pluie. Toute l'équipe de l'AL vous souhaite une bonne soirée. Bonjour. Une bande de ouf, enfermée dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est le Bifor de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Bonjour tout le monde, bienvenue. Excusez-moi, parce que j'ai le hé que vous avez entendu, c'est que j'étais en train d'engueuler sous le hé et mes grelots. Et mes grelots de Noël. Alors, je suis ravi, j'espère que tout va bien. Ça y est, Noël vient, ça vient bon, oui. Excuse-toi. Pour ? Bah, tu viens de m'engueuler pour rien en fait. Non, je t'ai pas engueulé, j'ai juste eu le temps de faire. Eh mes grelots, c'est pas une engueulade ça. Et même pris, ça peut sembler bizarre même cette phrase. Eh mes grelots. Alors, voyez, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'espère que tout va bien. Nous allons passer deux belles semaines jusqu'à Noël avec des cadeaux incroyables. Avec la possibilité pour vous de gagner jusqu'à 10 000 euros. C'est tout ce que je vous souhaite. Quoi qu'il se passe, si je vous ai au téléphone tout à l'heure, vous repartirez avec de l'argent. Il y a évidemment une enveloppe à 10 000, 2 000, 1000 euros. Le principe, si vous venez de nous rejoindre d'une autre radio que vous ne connaissez pas encore, le principe, il est simple. 0800 70 42 48, c'est pour nous dire bonjour et réagir dans l'émission. Vous nous voulez, vous nous envoyez des mails coe@energie.com, ça c'est autre chose. Ouais. Et si vous voulez jouer pour gagner 10 000 euros, 7 10 12 par SMS en mettant coe au début de votre message, ça et juste ça, et dans moins d'une demi-heure, je prends quelqu'un au hasard dans la liste du jour, je vous appelle, trouvez une enveloppe que j'ai mis à quelqu'un de l'équipe, chacun a son enveloppe, vous gagnerez le montant qui est contenu dans l'enveloppe. Facile. Ouais, je ne peux pas faire plus simple. Je voudrais revenir sur la vidéo de mon équipe, là, vous, mes amis, contre celle de Manu. Manu, ce matin, ouais, a beaucoup parlé de nous. Beaucoup. Beaucoup trop. Alors, je vais vous dire un truc et je demande vraiment que ce soit solennel parce que je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. D'accord. Manu, ce matin, non, c'est pas drôle ce que je veux dire. Manu, ce matin, a dit que l'on avait triché dans ce truc-là. Alors, c'était un laser game, oui. C'était son équipe contre la mienne. Je veux bien rire et je veux bien qu'on dise des choses, mais je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi à ce genre d'accusation de savoir si j'ai triché avec l'équipe. Alors que les choses soient claires. Et là, je vais vous le dire une fois pour toutes, il est sûr que oui, on a triché. Évidemment. Bien sûr que oui. En mettant des scotchs partout. Et malgré tout, on a perdu. On est mauvais. Je vous convoque tous à une réunion extraordinaire de licenciement global et collectif. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? On triche comme des porcs. Faut qu'on se venge. Mais qu'est-ce qu'on se venge de quoi? On a triché, on a perdu. Non, tu te venges pas, tu te planques dans un petit trou et tu te tais. Un truc qu'on est fort. Mais tu devrais être sous une moquette là. Tu devrais être te cacher. T'es le meilleur de nous tous. Non. C'est pas faux. C'était en tout cas le plus motivé. Donc en tout cas, voilà, je les embrasse toute l'équipe de Manu. C'est vrai qu'ils ont gagné pas de beaucoup non plus. Non. C'est pas non plus une humiliation. Mais sachant que eux avaient peu triché et nous énormément, c'est là que c'est honteux. Dans l'émission aujourd'hui, nous reviendrons sur pas mal de choses. Un son sur Donald Trump dans un instant. Nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant. Spécial gilet jaune, normalement obligatoire. Gilet jaune. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc dans les champions du monde de l'actu, ça se passera seulement en France. Quelques news aujourd'hui. Comme c'est lundi, j'avais envie que ce soit guillé et que ce soit un bon début de semaine. Nous aurons des news sur Aquaman, nous aurons des news sur Ed Sheeran et nous aurons des news sur la série Friends. Vous voyez que des trucs légers. Un député français qui insulte Donald Trump, ça c'est à mourir de rire. Je vous lirai le tweet tout à l'heure. Nous aurons le top des métiers où les femmes sont les plus infidèles. Nous qui avions confiance. Et j'enchaînerai avec le top des métiers où les hommes sont les plus infidèles. Et pour l'instant on n'en trouve pas, hein. On cherche encore. Peut-être que d'ici 20 minutes on trouvera les métiers où les hommes sont infidèles. Pour l'instant on n'en a pas. Alors que vous les femmes, on en a énormément. On n'en a pas. Mais bien sûr que si. Nous aurons tout à l'heure une info. Booba s'est fait cambrioler chez lui. Je vais vous dire un truc. Je voudrais pas. J'espère que les cambrioleurs ont bien vérifié qu'il n'était pas chez lui. Parce que te retrouver nez à nez à 4h du mat avec Booba en slibard face à toi, crois-moi que moi, non seulement je lui laisse les objets, mais je vais lui en racheter. Je te jure, j'ouvre l'application IKEA, je dis qu'est-ce que vous voulez, monsieur, que je vous commande. Donc, nous aurons tout à l'heure la compile de Booba cambriolé. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Bah, tu risques quoi? Il balèze, le mec, c'est ça que je veux dire. Un flacon de parfum dans la tronche, bon, bah. Oh, d'accord. Nous aurons le scandale des Miss Monde, puisque Miss Mexique a gagné et Maeva, c'est ça, hein, Maeva Cook, oui, qui était Miss France, n'est arrivée que 12e et il y a un scandale là-dedans. Je vous en parlerai un petit peu plus. C'est pas normal ce qui s'est passé, mais vraiment, là, je ne rigole plus. Nous aurons Geneviève de Fontenay, pas contente, qui réagira. Et puis nous aurons tout à l'heure, à partir de 18h, l'émission en public. N'oubliez pas les artistes qui viennent nous voir cette semaine. Demain, nous avons 3 cafés gourmands. Et mercredi, il y aura Aya Nakamura qui sera notre invitée. Et je l'ai bien dit. Le zap télé de Miko, nous parlerons de quoi, Miko? Oh, bah, ce sera un spécial gilet jaune, hein. Globalement, il n'y a eu que ça la télé. Gilet jaune! Hey, gilet jaune! Mais je reviens sur cette news de Donald Trump. Allez, alors, elle est assez incroyable. Donald Trump va bien en ce moment, non? Il est en pleine forme, ouais, comme toujours. Oui. Fake news. Eh bien, Donald a fait un tweet dans lequel il affirmait que les citoyens français qui manifestaient réclamaient un président tel que lui, puisqu'il entendait les manifestants crier "We want Trump, we want Trump". J'ai le son. Écoutez bien, c'est vrai de vrai. Tendez l'oreille. Donald a tweeté cette vidéo en disant « Voyez, les Français veulent Trump ». Il a même dit « J'adore la France ». Alors voilà, seul problème, c'est que cette vidéo ne vient pas de France, mais elle est anglaise. Voilà. Quand on zoome sur la vidéo, on voit très bien que les policiers au premier plan sont des policiers anglais. Et puis croyez-moi, s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont allés sur une manif des gilets jaunes, c'est assez rare d'entendre « We want to Trump, we want Trump, we want Trump ». Notre niveau d'anglais, il est tellement mauvais en plus, qu'il suffit, je vois pas un manifestant crier « We want Trump ». Éventuellement, « On préfère Trump, on préfère Trump ». À la limite. Mais je vois pas beaucoup des gens aller traduire en anglais parfait cette petite phrase. Non, c'est pas possible, ça ferait trois mots d'anglais de trop pour notre niveau d'anglais. C'est ça, c'est une fake news. Fake news. Présentation de l'équipe. Son week-end gilet jaune à lui s'est bien passé. Notre réalisateur, il y avait beaucoup de gens, il nous l'a dit, mais il assure que tout le monde était très calme, détendu. J'ai reçu un SMS de lui. Il avait même des gens avec des churros et du vin chaud. Il m'a dit Bichette, c'était le marché de Noël que t'as fait. Vous pouvez l'applaudir, notre réalisateur, Bichette. Bonsoir, je suis au cœur du danger. Je suis au cœur des dangers avec des gens qui mangent des barbes à papa. Je bois des churros. Il est dégoûté car ce week-end, il avait enfin un rendez-vous avec un match Tinder. Le souci, c'est que la demoiselle lui a donné rendez-vous sur les Champs-Elysées. Et elle lui a dit, tu me reconnaîtras, je serai en jaune. Du coup, il cherche encore, c'est Miko. Bonsoir. Elle a passé son week-end mastouf à aller voir toutes les concessions de voitures de Paris car elle veut changer. Et elle a craqué, elle a trouvé son modèle, les bons vieux blindés de la gendarmerie. Elle veut le même, le truc pour chasser les voitures en feu devant. Ça lui irait tellement bien, c'est mastouf. Lui a été en deuil ce week-end. Les casseurs ont dégradé plusieurs McDo dans Paris. Oui, pour lui, c'est comme profaner une église ou un temple. Courage, mon Jeff. Tu verras, ils n'iront pas au paradis. Et bientôt, ils vont les reconstruire. C'est mon Jeff qui est là. Et enfin, lui a passé son week-end avec ses amis et il a fait la fête dans un bar. Waouh ! Ouais. Je sais pas ce qu'il y a de plus bizarre. Hein ? Que t'as le droit de rentrer dans un bar ou que t'es des amis. Je dis encore. C'est Mordas, merci d'être là. On est sur Énergie, les champions du monde de l'actu dans deux secondes. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Voyage. Merci d'être avec nous tous les jours, 17h-20h. Et merci d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes plus d'un 1 600 000 à nous écouter tous les jours sur Énergie. Et ça me fait très plaisir. Et un gros bisou à tous ceux qui viennent des autres radios, qui nous écoutent sur l'appli Énergie partout dans le monde. Et ceux qui nous écouteront demain en podcast. Vous pouvez pas être là à l'heure, vous êtes là le lendemain, c'est le principal. Le hashtag du jour, Bordas. Est-ce que vous saviez que. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez une petite news, vous savez le petit truc que vous aimez bien partager quand il y a du monde, vous pouvez nous le allez-y, balancez votre source sur Twitter. Moi j'en ai une. Oui. Alors, est-ce que moi j'en ai saviez... deux, mais je dis pas tout le monde. Est-ce que vous saviez que votre pouce, il a la même longueur que votre nez? C'est quoi, qu'il arrive, ça. Quoi qu'il arrive, non, parce que quand tu vieillis, tu grandis et des oreilles et du nez. Bah non, et tu grandis pas du pouce. Bah si. Si, c'est la même longueur. Bah, c'est imagine le pouce de Bob Sinclair. champion du monde de la tue. Il l'a dit. T'es encore chez toi? Oui, mais mon pouce est arrivé. Alors, voici champion du monde de la tue. Le broche, je fais un bisou à Bob. Le premier champion du monde est un routier espagnol spécial gilet jaune. Si je le dis spécial gilet jaune, faut que je mette le truc qui va avec. Sinon, ça marche pas. Donc, spécial gilet jaune. Gilet jaune. Moi, gilet jaune. Premier spécial champion du monde, il est espagnol, il est en France, il a une 60aine d'années. Samedi, il en pouvait plus d'être à un barrage des gilets jaunes. Il a sorti son fusil à un rond-point à Béziers. Et il a tiré plusieurs fois, je vous rassure, avec des balles à blanc sur les manifestants et il a été placé en garde à vue. Voilà. Ah ouais, mais quand même. Bien sûr, tu as raison, c'est pas bien. Je vous résume la situation. Il était dans une colère noire, il a tiré à blanc sur des gilets jaunes qui ont eu une peur bleue. C'est plus une manif, c'est un magasin des Eagles, cette histoire. Deuxième champion du monde des gilets jaunes. C'est le sponsor officiel. Deuxième champion du monde, toute catégorie. C'est une... Non, il y a mieux. Je vous la ferai en dernier, la youtubeuse. Deux gilets jaunes se sont mariés samedi sur un barrage filtrant au péage de Séméac. C'est plutôt mignon. C'est vrai, voilà, c'est à côté de Tarbes. Leur surnom des jeunes mariés, bon, c'est classe, ça fait toujours bien sur un carton d'invitation. C'était Chouchoune et Coco Belleuil. Chouchoune et Coco Belleuil, ils se sont mariés devant 200 gilets jaunes et 4 témoins. Et ils se sont mariés habillés intégralement en gilet jaune. Ça fait une très belle photo. Moi, je l'ai vu. Je les embrasse, Chouchoune et Coco Belleuil. Voilà, je leur fais un bisou. Tous mes vœux de bonheur. Il n'y a pas de vanne là-dedans. Je les embrasse vraiment. D'accord. Et puis voilà. Et puis beaucoup de courage pour ce qu'ils font. Et puis j'ai vu la photo. C'est très, très beau. Vraiment, hein. C'est joli. On dirait un stock de Stabilo. C'est très, très beau. Ah, c'est magnifique. La championne du monde est une youtubeuse américaine. Mon Dieu, qu'elle est bête. On a le président qu'on mérite. Elle est journaliste et analyste en géopolitique. Et elle a affirmé samedi sur Twitter que les gilets jaunes brandissaient à Paris, écoutez bien, un drapeau américain dont les étoiles avaient été remplacées par des bombes, accompagnant son message de la photo du drapeau. Sauf que, pas de chance, c'est un drapeau breton. Mais non, puisque vous non. savez que les Bretons se déplacent en drapeau. Il faut toujours avoir un drapeau. Dès qu'on est quelque part, boum, le drapeau, la fierté, c'est normal. Exactement. Et donc, il y a une fille qui a tweeté un truc en réponse. Elle est française, elle a tweeté en anglais. Elle a dit, je vous le fais en français, elle a dit, ça signifie juste qu'ils entendaient le loup, le renard et la belette chanter. Et je pense que la fille cherche encore. C'était le spécial gilet jaune. Gilet jaune. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là, tout va bien. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Préparez-vous pour les 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS, mettez Coé devant. Are you drunk now? Now judge what I'm doing, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight.

mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, so built for oddities, stranger possessed. We wanted everything, wanted everything. Stay up on their rise, stay up on their rise, never come down. Oh, stay up on their rise, stay up on their rise, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love. Cherchez pas les chocolats du calendrier de l'Avent, il les a tous mangés. Mais non ! C'est Coé, c'est le Bifort. 17h, 18h sur Énergie. Ne ratez pas demain cette chanson qu'on adore et qui fait peut-être de la partie, et qui fait partie, c'est sûr, de la playlist suprême pour vous offrir 50 000 euros. Non, celle-là. Demain avec nous. On veut un dernier chabrol, un petit bout de gnoll. Et mercredi. Oh, ja, ja. Y'a pas moyen hein. Je suis pas ta cap, ja, ja. Ayana Kamoura sera là. Bah ouais. J'ai dit comportement. Bah ouais. Ce sera mercredi, il y a plein de surprises jusqu'à Noël. Déjà, vous allez pouvoir gagner peut-être 10 000 euros dans un instant. 7, 10, 12 par SMS. Dépêchez-vous en mettant Coé au début de votre message. C'est tout ce que je vous souhaite de gagner de l'argent avant les fêtes de Noël. Le Zap Télé de Miko, nous parlerons de quoi ? Gilets jaunes. Gilets jaunes. Et puis, grâce à Haute à Cause, vous savez cet endroit où vous allez manger quand vous avez une petite faim ? Oui. Il y aura 5 000 euros à gagner cash dans l'émission de jeudi. Oui. En gros, je vous explique, il y aura jeudi soir le Giga Tacos. Ok. C'est 2,5 kg. C'est un truc de. Vache. C'est un roco, c'est le roco. Ouais, c'est ça. C'est le roco. C'est comme ça. C'est le. Et là, il y a des gens en voiture, ils disent ah, ouais, d'accord, ah, ouais, c'est le roco, taco. Et donc, écoutez-moi bien, deux membres de l'équipe, je vous laisserai. On va en parler tout à l'heure. S'affronteront celui qui le finit ou qu'on aura mangé le plus. Il y a un auditeur qui va parier. Et on prendra au hasard sur celui qui a le bien parié et qui gagnera 5000 euros cash. C'est beau, non ? Oui. Ok. Chef, il mange plus jusqu'à jeudi. Non. Déjà, ça va être réglé. Faut que je vous fasse écouter absolument un petit jeune. Vite, Bordas, le hashtag. Ouais, le hashtag, c'est est-ce que vous saviez que. Il y a Margot qui le dit. Est-ce que vous saviez que quand vous respirez par le nez, vous pouvez pas respirer par la bouche ? Si. Bah, si. Bah, non, si. Non, si. C'est impossible. Si. On a l'air idiot là. C'est vrai que ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a Macron qui écoute l'émission pour se détendre avant son entretien de 20h. Il est dans la voiture, il est sec. Il fait non, vous avez raison, ça marche pas. Brigitte, essaye Brigitte. T'as vu, ça marche pas. On n'arrive pas. Non. Quoi d'autre ? Il y a Vanel qui nous dit est-ce que vous saviez que quand nous sommes malades, nous portons une odeur que seuls les animaux peuvent sentir ? Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a même des chiens qui détectent des cancers. C'est ah oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Un autre, allez, un dernier. Un dernier, il y a Aria qui nous dit est-ce que vous saviez que les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin ? Quoi? C'est quoi? C'est connu, les filles vers midi, elles changent de chaussures. Ça tape vers. Celles qui nous écoutent, c'est vers midi et demi, elles font oula, hop, je me prends mon autre chaussure. Ah, c'est pour ça qu'elles ont toujours deux paires avec elles. N'importe quoi. Dans un instant, nous aurons le Zap Télé de Miko. Nous aurons 10 000 euros à vous offrir la compile du cambriolage de Booba. Ah ouais. Mais voici le top des métiers dans lequel on trouve le plus d'hommes infidèles, alors que tout à l'heure, je ferai le top des métiers dans lequel on trouve le plus de femmes infidèles. Tension, classement. On y va, c'est moi. Oh, hey, c'est lundi, j'ai la super badass de 8 jours. On y va, attends. Je vous fais le classement. Allez. Oui. Je vous fais du moins au plus. D'accord. D'accord. Okay. Les pilotes d'avion en 7ème position. Ah, ah bon? Ils n'ont pas le temps. Infidèle, mais surtout infidèle. La distance, l'uniforme, bah ça plaît oui. aux autres filles. Ah. C'est ceux, les médecins en milieu hospitalier, la blouse blanche, le côté confiné, les lits à dispo. Ouais, oui. C'est ça aussi qui est chaud. Les PDG, d'après les psychologues et sociologues, depuis la nuit des temps, le pouvoir attire les femmes. Les acteurs en 4ème position à cause de la célébrité. Les enseignants en 3ème position. Quoi? Ah ouais, bah oui, parce ah ouais. que bah, à force de fréquenter des filles plus jeunes que leurs femmes, ils auraient tendance à. Ah là oui, d'accord. Voilà. Les chauffeurs. Chauffeur livreur, chauffeur de camion. Ah, les coquins qui m'écoutaient. Eh oui, vous savez ce que dit le dicton? Loin des yeux, loin du zizi. Pierre de Coubertin. Eh oui. Et numéro 1, vous diriez quel métier le plus infidèle? Homme politique? Non. Ah, j'aurais dit avocat, moi. Non. Militaire? Non. Média? Non. Non. Chanteur de rock? Non. Boulanger? Non. Bordas, tu dors? Comment? Ok. Oui, visiblement. Policier? Policier! Policier! Les policiers arrivent numéro 1 parce qu'ils sont jamais à la maison. L'arme, ça paraît con. Le côté viril, le ouais. côté bad boy. Le costume, voilà, tout ça, et ben ça ferait partie du classement de numéro 1 des métiers les plus infidèles. Comment ça se passe chez les filles? Quels sont les plus infidèles? On verra ça tout à l'heure, restez avec nous. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Pourquoi tu ris? On en parlera. Après. Qu'est-ce qu'on écoute? Mia, c'est Bad Bunny et Drake. Ah, c'est très bien. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mío. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la escalera. Dile que ya no soy cual. Énergie. Dans quelques minutes, le zap télé de Mikoen pas raté, mais pour l'instant, jusqu'à 10 000 euros à gagner. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Êtes tous prêts vraiment? Oui. Oui. Je vous ferai écouter dans un instant cet enfant. Je sais que vous, ça vous tient à cœur. Cet enfant qui a demandé un. Qui avait un rêve. Je ne peux pas vous en dire plus. Il avait un très beau rêve. C'est beau ça. Et ce rêve a été réalisé. Et vous savez que nous, la semaine prochaine, on va essayer de réaliser beaucoup de rêves aussi de pas mal d'enfants. Si on fera un truc avec les parents, vous expliquerai. On va faire tout un truc où la semaine prochaine, les enfants seront à l'honneur. Normal ! C'est Noël ! Bien sûr, tout à fait. Est-ce que Madame Stouff, vous êtes prête ? Prête. Vous avez votre enveloppe ? Oui. Monsieur Jeff aussi ? Je suis prêt. Jusqu'à 10 000 euros, toute l'équipe a son enveloppe. Où est la mienne ? Elle est là. Attention. Je suis personnellement pourvu de mon enveloppe. J'appelle quelqu'un qui s'inscrit au 7-10-12. Monsieur Bordas, on a plein de hashtags ? Oui, on en a plein. C'est très bien, on en lira dans un instant. Alors, d'accord, très bien. C'est bien, mon grand. Très bien, monsieur. Il est content. Pour l'instant, c'est pas Panacloc, hein, le mec. Il est content. Hein, il est content. Il est content. Il a la même taille que le singe, mais quand même. Ça va, même. Allô ? Johan ? Ah, oui ? C'est Coé, on est sur Énergie. J'ai failli raccrocher. Non. J'ai failli raccrocher. Non, je suis là. Oh là là, incroyable. Comment ça va, Johan ? T'es en forme ? Ouais, ça va, super. Super, en pleine forme, j'y crois pas. Si, tu peux y croire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Johan ? Je suis livreur. D'accord, tu bosses dans quel coin ? Je bosse sur Draguignan, dans le Var. Est-ce que tu sais donc que tu es dans le classement en 3e position des professions infidèles ? Un mot pour ta femme qui écoute ? Non, elle écoute pas, mais attention. Elle écoute pas, mais je sais pas quoi dire. Je suis pris de court. Johan, je te présente Stouff, Jeff, Bichette qui réalise l'émission, Bordas, Nico et moi-même. Choisis la bonne personne, trouve l'enveloppe des 10 000, mais quoi qu'il se passe, il y a des sous. Évite l'enveloppe à 2 euros, fais-moi plaisir. Je vais choisir, ouais, on va éviter. Je vais choisir Jeff. Tout le monde choisit Jeff en ce moment. Je plais aux gens. C'est ce côté. Hein, c'est quoi c'est ce côté ce côté Père Noël. Je sais c'est ça. Ouais. Ouais. Là-bas, que allez vite. Je suis ravi. T'es quoi? Je suis ravi. Toi aussi, t'entends ça. Je suis ravi. C'est pas mal du tout. On dirait un présentateur comme les acteurs. Pas du tout. Le mec, à chaque fois, il faut faire des oh ah. C'est pour ça qu'on rit. C'est bien. Ce mec, c'est le mec le plus mauvais du monde pour faire des ah oh. Il est pas naturel. Alors, il a eu 200 euros. Ah. 200 euros, c'est bien, c'est bon. On prend Johan ou on prend pas? Ah oui, ça va. Ça on prend les 200 euros. Allez, ouais, c'est mieux que deux, ça va. Plaisir, tu vas plaisir. Te faire un petit dîner avec ta chérie, tu vas faire des cadeaux de Noël. Non, serre-toi de ça pour lui faire un beau cadeau. Fais-moi plaisir. Oui, ou la maîtresse. Exactement, c'est non, ce que je vais. Qu'est-ce que tu voudrais lui acheter? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé, ta chérie? On s'est rien dit encore. Un resto, ça va aller. Pour Noël, un resto? Mais non. Non, mais un resto vraiment, quoi. Mais non, mais tu vas pas lui offrir un resto pour Noël? On va pas lui offrir un resto, mais déjà, on va commencer par un resto, après, on verra. Ah d'accord. Ah, ok, on est pas donc au niveau du cadeau. D'accord, ok. Non, je te... Si elle écoute, elle peut pas dire. Voilà, et puis un haut tacos, attention. Avec le fromage qui déborde et tout. Gros bisous. Je t'embrasse, mon Johan. Continue de nous écouter. Allez, tous les soirs. Merci encore tout le monde. Merci l'équipe. Salut mon ami, à bientôt. Vous aussi, vous voulez jouer, vous voulez gagner jusqu'à 10 000 euros. C'était pas cette fois. Ça va peut-être tomber demain. 7-10-12 par SMS. Le Zap Télé dans 2 minutes. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Tu ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je ne sais pas. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. 18h, l'émission en public sur Énergie avec beaucoup de bruit. Demain, 3 cafés gourmands et mercredi, Ayana Kamoura. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. J'ai remarqué que plus je me rapproche de l'avenue d'Ayana Kamoura, plus j'arrive à le dire. Je sais pas pourquoi, ça doit être la peur. Alors attention, c'est la pression. Le hashtag avant le zap télé de Miko, Borda, c'est quoi? Est-ce que vous saviez que... Alors est-ce que vous saviez qu'il y en a dans l'équipe? Oui, est-ce que vous saviez qu'un stylo Bic peut faire un trait de 2 km avant d'être vide? Mais je ne savais pas, mais bah je voilà. ne savais pas. Tu le sais, je ne le savais pas, Stouf. Est-ce que vous saviez qu'une huître vit 20 ans? 20 ans? 20 ans? Et ouais. Donc tu vas me dire ça avant de la manger. Joyeux anniversaire, Stouf. Moi j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une. Oui. Est-ce que vous aviez une chance sur 2 millions de mourir en tombant du lit? Je le savais pas non plus, mais ça m'intéresse moins celle-là que l'huître, tu vois, c'est plus facile. Et avant le zap télé de Miko, je voudrais faire le rêve de cet enfant. Voilà, je voulais vous en parler, les enfants ont tous des rêves. Bien sûr. Être cosmonaute, aller sur la lune, écoutez bien, lui c'est c'est plus accessible. Vous allez découvrir William qui a 5 ans, pour son anniversaire, a pu réaliser son rêve. Enfin rencontrer des gilets jaunes, effectivement. Alors il a eu droit en guise de cadeau à une belle aide d'honneur. C'est une vidéo assez mignonne. Bon, on va pas se mentir, derrière, il y a quand même aussi les positions de papa, maman. C'est magique. Voilà. Les millions. Maman, je veux voir des gilets jaunes. Je vais t'offrir ça, mon fils. Il veut de la lacrymo dans les yeux. Et pour mon prochain Noël, je voudrais un verre d'eau. D'accord, mon fils, c'est possible. Je voudrais voir une rivière. Mais voilà, le gamin qui a des goûts simples. T'imagines, il a dû demander des autographes. Ok, amitié, Jean-Mich, au rond-point N24. Allez hop, souvenir. Et pourquoi? Il est mignon, cet enfant. Allez, télévision. Hier soir, enquête exclusive sur M6, en rendez-vous chez le ministre de l'Intérieur pendant les manifs des Gilets jaunes. Et il est plutôt relax, le ministre de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner prend le temps de recevoir notre équipe avec une certaine décontraction. C'est quoi le groupe M6, les chaînes? Je peux regarder Gulli? Qu'est-ce qu'il a dit? Il regarde Gulli. Il regardait Gulli en fait sur sa télé et demandait au groupe M6 s'il pouvait regarder Gulli. Ah donc quand il regarde les gilets jaunes, lui c'est les Pokémon quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est d'accord. C'est pour ça. Les mignons. Lui il regarde les mignons, ils sont très calmes. Hein. Moi je l'ai vu sur ma chaîne d'info Gulli, excusez-moi, ils sont très très calmes. Le petit Pikachu là, il a l'air sympa. Hein. Ah oui, d'accord, ah oui, il s'informe. Quoi d'autre? Sur BFM TV, petit souci de micro, ce qui n'est pas super pratique quand tu fais de la télé. Pour l'instant, la stratégie mise en place à Paris fonctionne. Très peu d'incidents à signaler dans la capitale. Alors déjà très peu d'incidents, mais aussi énormément. Fantastique, le micro qui ne marche pas. La semaine dernière, en plateau. Hein. 7h30, ça ne marche pas. Sans micro, on ne marche pas. Ah, c'est ce bouton-là. Ah, votre micro fonctionne. Formidable. On vous entend, on vous écoute. Ça marche. Un dernier. Alors, il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui cassent, et il y a ce gilet jaune qui se la kiffe sur les Champs-Elysées en mode pique-nique. Ah franchement, alors nous, on a mangé du quintal, du Saint-Nectaire, du saucisson bien de chez nous. Ouais, on s'est fait le plus gros casse-dalle qu'on s'est jamais fait sur la plus belle avenue du monde. Ah voilà. Ouais, j'ai demandé plus. Ouais, oui, un bout de sauciflard à la lacrymo, c'est tellement sympa. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là. Dans un instant, Madame de Fontenay n'est pas contente. Voilà. On en parlera d'ici quelques minutes. Miss France n'a pas gagné. merci de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, vous êtes 2 900 000, c'est Koé officiel. Sur Twitter, Koé officiel. Sur Instagram, suivez-moi sur Insta aussi, vous verrez toutes les conneries de l'émission et toutes les photos que l'on fait à chaque fois. Pareil, c'est Koé officiel, mais pour l'instant, vous avez suivi un petit peu l'élection de Miss France ou pas? De Miss Monde, pas Miss France. Non, pas trop. Vous n'avez pas suivi ça? Il y avait la, notre Française dedans, il y avait Maëva Cook. Oui, ouais. Elle a fait quoi du coup? Elle a fait 12e. Sur combien? Ouais. Sur 12, sur 13. Non, mais elle était présélectionnée dans les meilleurs, ce qui était déjà pas mal, mais elle n'a fait que 12e. D'accord. Voilà, c'est pas ouf non plus. Alors surtout qu'il y a un scandale, parce que Sylvie Tellier crie au trucage, parce que la Miss Mexique, qui a gagné, était en gros plan sur tous les billets d'entrée de la cérémonie. Ça d'accord. Donc en gros, ils se disent que ou ça a marché dans l'esprit des gens, ou en fait c'était bizarre que ce soit c'est cette demoiselle prévu, qui soit déjà sur les billets. Ouais. Après, est-ce que t'es assez con pour faire une cérémonie où sur les tickets d'entrée tu mets déjà la gagnante qui est pas censée gagner? Oups. Je suis pas sûr non plus. Mais il y a un truc qui est pas normal. On va être en liaison avec Geneviève de Fontenay. Vous savez, qui s'occupait des Miss pendant tellement longtemps. Oui. Geneviève, vous m'entendez, Geneviève? Allô, qui me dérange? Salut Geneviève, c'est Koé là, énergie. Je voulais votre avis, Geneviève. D'abord, vous faire un bisou, mais sur l'élection de Miss Monde. Je prends pas les steaks de Miss Monde. Je suis passé à autre chose. Je suis une gilet jaune maintenant et je vais tout péter. Ah, d'accord, ok. Donc les Miss, c'est fini alors? Non, je vais organiser l'élection de Miss Gilet jaune. Yeah. Ça, c'est l'avenir. Comme ça, pas de défilé en maillot de bain à moitié à poil. Un seul défilé en gilet les jaunes sur une palette avec une merguez. Et vous faites ça où? Quoi, la merguez? Non, je veux pas savoir où est la merguez. Je veux dire, vous faites ça où? Sur le rond-point de la N12 entre Gisors et Saint-Chémou, en face de l'Intermarché. C'est pas difficile. Non, c'est pas difficile, mais ça fait pas rêver, Geneviève. Mais c'est ta gueule qui fait pas rêver. Les strass, les paillettes, le showbiz. Vous êtes les prochains sur notre liste de guerre. On va vous défoncer. Geneviève, j'ai appelé juste pour savoir votre avis sur Miss Monde. Mais Miss Monde, je lui pisse à l'arrêt, hein, cette conne. Je suis une casseuse, moi, maintenant. Je défonce les magasins Vuitton à coups de talons. Je veux bien passer vous voir à la radio. Ah bah voilà, je suis content de vous revoir avec votre petit chapeau, ma Geneviève. Mais je vais te le faire bouffer, moi, mon chapeau. Un coup dans le chat, un coup dans le pot. 6 pots de Macron. Je vous aime aussi, Geneviève. C'est Koé, c'est le plus fort sur Énergie. J'adore ce que fait cette demoiselle. Restez là dans quelques minutes, il y aura l'émission en public. Ne ratez pas non plus la compile du cambriolage de Booba. Vas-y. Oh là là, le gars, je te jure, j'aurais pas voulu être un cambrioleur qui se retrouve face à lui. Oups. t'es là avec le grille-pain. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Hein? Je vous assure, je savais pas que c'était chez vous. Je vous ai amené un grille-pain. Dans chez moi. Voilà, je vais chercher le reste. On s'en occupera dans un instant. Je vous ai fait la liste des métiers les plus infidèles chez les hommes. Les filles, je m'occupe de vous. La liste des métiers chez les femmes infidèles dans 3 minutes. Énergie présente la Columbia Session de Jane à Paris.

Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Qu'est-ce qui m'a pris d'organiser Noël chez moi ? Entre la déco, les courses, je sais pas quand je vais pouvoir aller chercher mes cadeaux. On vous répond, soyez tranquille. Préparez vos achats sur leroymerlin.fr et retirez-les ensuite en magasin. Votre commande sera prête 2 heures plus tard et vous n'aurez plus qu'à la récupérer quand vous aurez le temps. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Au tacos, quand la faim justifie les... Tenders, cordon bleu, nuggets, viande hachée, escalope de poulet, la sauce fromagère unique. Au tacos, c'est le tacos original à la française. Viens vite le découvrir dans l'un de nos 200 restaurants. Il y en a forcément un près de chez toi. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Salut, moi c'est Pierre. Pierre qui roule beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën. Car en ce moment, le pré-contrôle technique est à faire. Et s'il faut réparer, eh bien pour toute prestation supérieure à 300 €, le contrôle technique est à 1 € seulement. Bref, deux offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. En détail sur citroën.fr. Joyeux Noël les filles! C'est quand même sympa de s'offrir des petits cadeaux entre nous. Oh là là, pas encore un pull de Noël ou un roman à l'eau de rose. Oh, waouh, une bougie! Elle sent super bon, elle sera parfaite pour les fêtes. Hein. Avec Ikea, faites vraiment plaisir à petit prix. Rendez-vous vite en magasin et sur ikea.fr pour découvrir tous nos accessoires de décoration comme la bougie parfumée Blom Doft à 5,99 €. Ou sinon, faites plaisir en quelques clics avec notre e-card cadeau Ikea. Ikea. Koé rêverait d'être le vrai Père Noël. Mais c'est impossible. Pas sûr qu'il rentre dans la cheminée. C'est Koé, c'est le Bifort. 17h-18h sur Énergie. Qu'est-ce que c'est que ce jingle ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce jingle ? C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ce jingle ? Peut-on me réexpliquer le texte de ce jingle, s'il vous plaît ? Le texte de ce jingle. Remets-le, s'il te plaît, que j'écoute l'intégralité de ce jingle. Non, je vais pas s'il le. S'il te plaît. Koé rêverait d'être le vrai Père Noël. Mais c'est impossible. Pas sûr qu'il rentre dans la cheminée. C'est bien ce que j'avais cru entendre. Ok. Voilà. Et encore. Et ne ris pas, Bah, c'est pas bien. Pourquoi ? C'était quoi l'autre version ? Non. Ah, vas-y, dis, non, vas-y, dis. Vite, c'était quoi l'autre version ? Son cul passe pas dans la cheminée. Ok, très bien. après, c'est normal parce que c'est des petites cheminées. C'est Pietre qui a écrit ça ? Son cul rentre pas dans la cheminée. C'est Jeff ? Non. C'est toi qui as écrit mon cul rentre dans la cheminée. Ça a dû m'échapper, je pense. C'est toi qui as écrit mon cul rentre pas dans la cheminée. Toi ? Oui. C'est l'hôpital sous la charité. Toi ? T'as écrit mon cul rentre pas dans la cheminée. En tout cas, je sais ce qui va rentrer dans le cul dans 3 minutes. Et on va s'en reparler. Oui. C'est quoi le hashtag du jour ? Est-ce que vous saviez qu'il y a des objets contondants qui vont rentrer dans les fesses de cette personne ? Dans les secondes qui viennent. Vite, deux hashtags. On est en TT France. Alors, le premier, Marie qui nous dit : est-ce que vous saviez que dans le Kentucky, une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'a pas touché par terre ? Je ne savais pas. Un autre, vite, on aura la compile de Booba. Si, ça veut dire que tant que tu t'es pas effondré, t'es sobre. Exactement. Ah ouais, là, j'ai compris. Oui, mais je sais pas parler, c'est pour ça. Allez, vite. Alors, Eric, un deuxième. Est-ce que vous saviez que vous avez entre 75 000 et 110 cheveux sur votre tête, sauf Koé ? Ok, et eh ben il y a d'autres objets qui vont rentrer dans le tien. Hein. Jeff, tu ne seras pas seul à aller à l'infirmerie. Juste pour vous dire que, avant de vous faire le métier, les femmes sont les plus infidèles. Je vous lirai dans un instant un. Vous savez que. Trump tweet souvent n'importe quoi. Très souvent. Contre tous les pays, y compris la France. Et il y a un député français qui lui a répondu. Je prendrai le temps, on sera en public dans un instant pour lire le tweet. Essayez de le comprendre. Qui est très beau. Qui est un tweet qu'on a envie de recevoir et d'envoyer tous les jours. Bon, avant, voici le top 7 des métiers cette fois-ci où les femmes sont les plus infidèles. Vous diriez quoi d'après vous ? Infirmière ? Secrétaire. Masseuse. Pourquoi masseuse ? Je sais pas, j'en sais rien, masseuse. Okay. Avocate. On va voir. La communication en 7e position. Journaliste, relations publiques, communicante. En 6, le monde de la loi. Les avocates, les juges, les procureurs, infidèles. Oh, c'est moche. En 5, le monde de la nuit. Danseuse, serveuse, DJ, bougoudenseuse. 4e position, les arts. Celles qui sont musiciennes, mannequins, actrices, photographes. En 3e position, des métiers les plus infidèles, tout ce qui touche à la santé. Infirmière, médecine, on le disait, il y a des lits partout, mais c'est l'île de la tentation, un hôpital. Ok, tu ressors avec un staphylocoque doré, mais t'as fait l'amour pendant une heure, c'est tout. En 2, l'aviation, pilote et évidemment hôtesse de l'air. Et enfin, pour terminer, tout ce qui est business, directrice, banquière, courtière, manager, tout ça. C'est ouf. Donc, si vous avez vu tous ces métiers, j'en déduis que pour trouver une femme fidèle, faut trouver une boxeuse. Voilà.

Zeba, il a des canapés en zèbre. Mais en vrai zèbre. En vrai zèbre vivant. Tu te mets pas dans le canapé, t'appelles le canapé. Viens là, s'il te plaît. Comment tu peux avoir ça? Je ne comprends pas. Mais les bijoux, comme tu dis, les montres de luxe, tout ça. Non, mais ça fait beaucoup quand même. Les colliers et tout ça, avec le signe dollar, t'imagines, mec? C'est des faux, ça vaut la thune. Bon, en attendant, 450 000 euros. Voici la compile du cambriolage de Booba. La chanson d'abord que Booba a chantée en rentrant chez lui. C'est vite là. Il y a ensuite la chanson des policiers. Tu as volé, a volé. Non, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. Sacro. Il y a également la chanson de Caris et ses potes quand ils ont appris la triste nouvelle. On rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait? Après de quoi Caris, on rigolait. Ah bah si vous voulez, vas-y les gars, faites ce que vous voulez. La deuxième chanson de Caris quand il a appris que Booba s'est fait voler toute sa garde-robe. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Il y a également, alors comme il s'est fait piquer toutes ses montres, voilà la chanson des boutiques Rolex de France pour Booba. Allez, ne soyez pas timide, et si vous serez accueillis, comme nulle part vous le serez, que qu'à New York ou à Paris. Et qu'est-ce que l'on dit? Viens chez nous si tu as besoin. Ce n'est pas le paradis, mais ça changera de ton quotidien. Pas besoin de merci, tant qu'on peut. Ben oui, ils sont comme ça chez Rolex, ils te tendent la main évidemment. Bref, je sais pas qui a eu le courage de cambrioler Booba, mais j'ai sa chanson. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Mais je vous souviens de ce truc. Ah ben ça c'est la chanson du cambrioleur. L'amour du risque. Parce que j'ai la chanson de Booba envers les cambrioleurs. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Ça. Même s'il est tard. Et pour finir, j'ai la chanson du cambrioleur quand il a appris que c'était la part de Booba qu'il venait de cambrioler. Jusqu'à je sais pas où, mais cours vite. A tout de suite pour l'émission en public, voici Rihanna. Ça fait pas du bien de le réécouter. Oh, j'adore. Montez le son si vous êtes en voiture. Dans 3 minutes, dans notre grand studio avec plein de gens qui font du bruit. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of a mind, it can control you. It's too close for comfort. Watch out, you might just go under. Better think twice. 17h, 20h. Vous êtes prêts? C'est des biens! Quelle ambiance! Incroyable! Incroyable! Bonjour, bienvenue! Merci d'être avec nous! Deuxième partie d'émission en public! Avec demain avec nous! On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête! On veut un dernier charol, un petit coup d'agneau! Oh là là, le public applaudit comme des merdes, c'est terrible! Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas synchro? Qu'est-ce qu'on va la refaire? On veut du Claudie Musette. Non, laissez les seuls. Non, n'aidez pas, vous les laissez seuls, je parle à mon équipe. Ça se décale. Je pense qu'il y en a un qui met de la techno. Vous n'entendez pas dans les haut-parleurs? Bravo, c'est maintenant qu'on le dit. Où est la technique? Ils n'entendent pas. Il n'y a personne derrière. Mais où sont-ils? Mais je où ne sais sont-ils? Pas, je viens d'arriver. On démarre le lundi par un RTT, ça va gueuler. Hein. Appelez Mathieu, où êtes-vous toute l'équipe? Ils n'entendent pas. Je mets trois cafés gourmands, en plus ils viennent de le découvrir, ils n'entendent jamais ce titre. On va essayer de résoudre le problème. Ils seront nos invités demain, je kiffe cette chanson. Et je vais vous dire un truc, demain, à la fin de l'émission à 20h, je pars avec trois cafés gourmands, on va au Palais des Sports. Ah, demain c'est soir, demain. C'est demain, oui. Où on chante contre le cancer. C'est WMNF qui fait ça? Oui. Voilà, et je vais là-bas. Avec, en fait, les artistes prennent quelqu'un en duo et je chante avec eux. Est-ce que tu as révisé? Pas du tout. Mais demain, tu vas réviser. Mais nous allons réviser pendant l'émission demain, mais c'est bien prévu, sûr. Il y aura prévu. Mercredi. Aïe, Nakamura. J'ai trouvé celle qui fout la merde. C'est toi. C'est qui? C'est toi. Toi. Ah. T'es sûr? Quel est ton prénom? Sarah. Sarah, laissez Sarah toute seule qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Non, c'est Sarah, regarde. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. Oh là là. Ah oui, on va loin là. On est fait. Petit problème moteur. On est mal patron. Sarah applaudit pas. Ça va Sarah, tu viens d'où? De Tours. Est-ce que tu as ce même problème à Tours? Non. Ou est-ce que c'est qu'une fois, c'est quoi? C'est l'air parisien qui te fait cette... Non. Tu es désynchronisé, il faut qu'on te risette. Regardez les gars, il y a un petit trou dans le dos. Pétez un petit bout de stylo, voilà. Ça. Il faut le risetter. Si quelqu'un a un trombone, on peut la risetter comme ça. Et... Voilà, il faut appuyer sur l'oreille de gauche et l'oreille de droite en même temps et attendre 5 secondes. Pour faire un reset, c'est comme les iPhones, c'est exactement pareil. On va réessayer avec Aya Nakamura, je vais prendre plus simple. Oh là là. Elle est magique, je fais des gestes, elle accélère avec moi. Tu sais. Ah là là, je t'aime quand même. Tu as quel âge? Tu viens d'où? Tu es de Tours? 24 tu ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeuse en animalerie. Eh ben bienvenue ma chérie. Tu vends quoi? Tous les petits animaux qui servent à rien? Oui. Là, qu'est-ce que les gens achètent en ce moment? De tout. Des lapins, des cochons d'Inde. Ouais, ça c'est. Est-ce que t'as des furets? Non. Alors le furet c'est plus la mode. Le cochon d'Inde, voilà l'animal qui ne sert à rien. C'est pas des cadeaux de Noël. Non, cochon d'Inde. L'âme sert toujours. Oui. Qu'est-ce que avec c'est la petite roue, qu'est-ce que c'est? Ah là là. Qu'est-ce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi j'adore les animaux. J'adore les animaux, mais je pense qu'il vaut mieux les avoir en liberté que dans une cage. Le hamster, tes enfants te réclament ça. Ils jouent deux jours avec. Après ils ne changent jamais la cage. Ah, ils s'en le foutent. Truc, toi t'as envie de dormir la nuit. Le hamster dans sa tête, il dit tiens, si je faisais de la roue. Oui, bah oui. Tu vois, à 3h du mat, et il trace. Hein. Il est comme un malade. Hein. Tu vois, et puis toi, t'es 7h du mat, t'es crevé. Et là, le hamster, il fait je suis mort, j'ai fait de la roue toute la nuit, je suis mort. Et il s'endort. Et alors, tu as le cochon d'Inde, parce que moi, le hamster, il se donne. Speed, ouais. Et t'as le cochon d'Inde qui branle. Rien. Une vie, mais à rien foutre. Il est comme ça, il te regarde. Des fois il vient. Et un tu veux le prendre, il te mord. C'est vrai. Tellement c'est con. C'est un truc, je le comprends pas. Laissez-les en liberté, tous ces animaux. On a plein de messages de plein de gens sur la vidéo, notamment entre autres sur tous les réseaux sociaux. Ouais. De la vidéo du Laser Game avec l'équipe de Manu, du 6-9. Elle est sur ta chaîne YouTube. Oui, vous me regardez en disant tu as triché. Vous me regardez. Eh bien oui, j'ai triché. Oui, mais alors. Absolument. Voilà, toute ma vie. Voilà, c'est tout. Oui, comme ça que j'ai réussi, vous croyez quoi? Comme ça, il est sans fin. Voilà, j'ai triché, oui, j'ai triché et pourtant on a perdu. Quoi, on a gagné la première. Oui, mais pas les autres. Dans un instant, le devine qui s'est resté avec nous. On est sur Énergie, je m'appelle Cohen. Nous mènerons une enquête dans un instant parce qu'un sapin de Noël a disparu quelque part en France. Il faut mener l'enquête. Oh oui, nous reviendrons sur un tweet qui a été fait pour Monsieur Donald Trump par un député français. Nous aurons le classement des clips qui ont le plus cartonné sur YouTube de l'année. Taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki

trois cafés gourmands seront là. Bon, est-ce qu'on peut... Non, non, non. Je veux pas la répéter. Si tu vas la répéter. Tu vas la répéter. Tu vas la répéter. Donc aujourd'hui j'ai mis un col roulé. Donc attention monsieur. Alors Bichette, refais la vanne que tu as fait hors antenne. J'ai envie de dire fais participer la France. Que les gens rient de ta blague, de ton humour. J'ai dit si là on te met tel quel comme tu es habillé au milieu des gilets jaunes, ça fait moins moche et méchant 4. Il va prendre une tarte dans les yeux, il va rien comprendre. Ah ouais, direct, hein. Je vous explique un délire qu'on a avec Guy Claude du Standard. Ça fait quelques jours qu'on se parle avec une voix qui est un petit peu une voix comme ça. Et donc on s'appelle Jean-Jacques. C'est la voix de Jean-Jacques. D'accord. Donc vous aussi vous pouvez participer, Mico. Absolument. Bonjour Jean-Jacques. C'est bien, tu y arrives. Salut Jean-Jacques. Bonjour à vous. Bordès. Bonjour absolument. Ok, tu rentres chez toi. Bonjour Jean-Jacques. Ok, qu'est-ce que tu fais, Charles Aznavour? Michel, vas-y. Oui, absolument. Ouais, tu te fous de ma gueule, mais tu n'y arrives pas. Ok. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je ressemble à Grou de moi chez moi. Oui, c'est le col roulé. Je suis passé à deux doigts de ressembler au chien. Est-ce qu'on peut faire un sondage Twitter? Oui, est-ce qu'on doit te garder ou pas? Non. Fais pas chier, j'ai la réponse. Est-ce qu'on ressemble? Non, on le fait. Punchline! Quelques hashtags, dépêche-toi. On est entêté d'ailleurs avec le hashtag est-ce que vous saviez que. Il te manque une écharpe en fait. Ah ouais. Regarde, tu vois mon téléphone? Regarde. Bluetooth. Allez, on y va, dépêche-toi. Ouais. On a Galopin qui nous dit est-ce que vous saviez que 50% des adultères se font au travail? Oui, je savais ça. Oui. C'est le hashtag du jour, on est 3ème TT France, on peut encore monter. On peut dépasser Booba, il s'est fait cambrioler. On refera la compile. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages disant je ne l'ai pas entendu en entier. On finit l'émission en vous refaisant la compile du cambriolage de Booba. On y va. On a Johan qui nous dit est-ce que vous saviez que la loi impose à Milan d'arborer? Mais non, mais vous m'écoutez pas là, vous êtes sur le délire de Grou là. On fait Grou. On est de mettre une écharpe comme Grou. Effectivement. Croisez-moi. Ok. On va mettre la photo, okay. Franchement, on y est là. Ok, bah, je vais régler deux, trois problèmes. Voilà. Ok, on y va. Oui, pardon, excusez-moi. On mettra la photo. Je ressemble à Grou. Allez, encore. T'attends là. Il y a une lenteur. Sérieux? Il y a Johan qui nous dit du coup est-ce que vous saviez que la loi impose à Milan d'arborer un visage souriant en toutes circonstances, excepté pendant les obsèques et les visites à l'hôpital. Super. Des trucs intéressants, par contre. C'est trop long. Trop long, non plus. Trop long, on était sur Grou encore. Allez, on y va. Mais c'est trop lourd, franchement. Vanessa qui nous dit est-ce que vous savez que l'air pour les gens de petite taille, ça chatouille sous les bras? Non, on s'en fout. Ah, mais des trucs. Mais c'est les meilleurs trucs. Punchline. Allez. Est-ce que vous saviez que l'orgasme féminin dure 1,7 secondes environ, soit 1h30 dans une vie de Alors, ça, c'est vrai. Et on se démène beaucoup. Finalement, pour obtenir assez peu de plaisir. Pas grand chose. Tu sais, c'est comme quand tu fais un repas chez toi et que tu t'es fait chier pendant 1h30 à tout préparer. Le pire, c'est les crêpes. Je crois que tous les gens qui ont été un jour à la cuisine pour faire des crêpes et que tu mets genre 5 minutes, 6 minutes à faire une crêpe et que tu l'as à peine mise à côté et que tu vois quelqu'un qui arrive, qui te la barbe, qui met un Nutella et qui dit elle arrive quand l'autre? Allez, boule. Tu vois, et toi, t'es là et tu rêves de faire les tas, tu sais, comme dans les films, ils ont toujours des gros tas de crêpes. Tu y arrives pas parce que tu as quelqu'un qui te le bouffe. Et t'as passé 1h30. Et bien, l'orgasme féminin, c'est pareil. On a essayé de faire le maximum pendant longtemps pour 1,7 secondes. Ça vaut pas le coup de se battre. Non, moi je vais laisser tomber le plus longtemps. Régime. On fait un devine qui c'est. Allez. Oui. Dans un instant, nous mènerons l'enquête sur ce truc qui. Et je sais, dans le public, j'ai vu votre regard intéressé. Qui a volé le sapin de la place gourmande de Saint-Malo? Chaque année, les commerçants de la place gourmande installent un magnifique sapin de Noël. Décoré de guirlandes mercredi, il a été subtilisé jeudi. Disparu par la chanson de Jean-Pierre Madère. Les voleurs ont même pris soin d'enlever les aiguilles qui jonchaient le sol. Oh, ah ouais. C'est des voleurs propres. Ah, oui. C'est-à-dire que les mecs, ils volent et ils disent oh, t'as fait des aiguilles, t'as fait tomber les épines. Attends, je passe le balai. Ça, c'est propre là. Non, un petit devine qui c'est avant d'y aller. Allez, je vais faire une petite Yvette, ça va me détendre. J'ai de la Yvette, sinon j'ai de la Odette. C'est bien. Allez, on y va. Les deux sont bien. Ça va, Michette? Ouais, ça va. Ouais, ça va. T'as peur qu'on mette pas tes disques? Bah, on a pris une skirma à passer. Oh, quoi. Tu te fais engueuler, tu diras que c'est la faute de Grou. Est-ce que vous saviez que Grou ressemble à Coco? Je ne réponds rien. Allô, oui, Yvette? Bon, Yvette, oui. Bonjour Yvette, devine qui c'est? Non, qui c'est? Bah, qui c'est qui appelle pour dire bonjour? Qui ça peut être? Bah, c'est pas. Yvette. Oh bah, qu'est-ce que ça peut être pour dire un petit bonjour? Oh ben. Hein? Non, bah, je sais pas. Qui appelle pour dire un petit bonjour? Qui ça peut être? Bon ben, je raccroche. Si vous dis donc, t'as fini de gueuler? Enfin, je t'appelle pour dire bonjour. Oui, ben bonjour. Voilà, ben bonjour, voilà, tu ne me reconnais même pas. Non. Ah, pas du tout, aucune idée. Non. La famille, aucune idée, tu sais pas qui c'est. Ben non. Eh ben c'est Grou. Allez, hein? On y va. C'est Grou. Grou. Grou. Je connais pas de Grou. Mais si, j'étais avec les gilets jaunes ce week-end. C'est Grou. Ils sont mignons, les gilets jaunes. Bon, c'est toi, Cindy, qui fais des bêtises? Ben oui, c'est Sylvie, tu m'as reconnu. Tu m'as reconnu, ça va? Allô? Allô? Au moment de me reconnaître, elle a quitté cette planète, visiblement. Yvette a pris peur. Yvette a pris peur. Qui a volé Yvette? Nous nous souvenons de ses dernières paroles. Yvette nous a dit « C'est toi, Sylvie ?» Et quand on a dit oui, elle a disparu. Si quelqu'un a des nouvelles d'Yvette, ça nous arrangerait. Qui habite dans le 79, les Deux-Sèvres, merci de prévenir. La gendarmerie piétine, le parquet a ouvert une enquête. Yvette, tu es partie? Tu es là, Yvette? Définitivement non. Yvette, elle est partie. Elle est en ligne. Mais elle est... Yvette? C'est Cindy. Yvette? C'est Cindy. Mais je m'entends avec de l'écho? Ah ben je m'entends. Bienvenue tout le monde, on est sur Énergie. Dans un instant, nous aurons la disparition du sapin. Dans un instant, pas mal de surprises, une PS4 à vous offrir. Voici Prince Karma. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. Coé sur Énergie. Bientôt Noël, peut-être 50 000 euros à gagner avec la playlist suprême. Dès que vous entendez Angèle sur Énergie, enchaînée à Marshmallow, Big Flo et Oli plus tard, Marnik and Smack avec Gam Gam et 3 cafés gourmands à nos souvenirs, vous faites le 39-37 et vous allez pouvoir. C'est bien ça, hein, c'est pas le numéro du Téléthon que je donne. Ça ressemble, mais c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est le numéro du Téléthon. Ça ressemble vachement. 37-39 le Téléthon. Non, 36-37. 36-37 le Téléthon. Bah, nous, voilà. C'est 39-37. Et vous allez peut-être gagner 50 000 euros. C'est bon, non? C'est juste avant Noël, c'est joli. Et d'ailleurs, pour vous faire du bien, vous savez que quand on commande au Père Noël, il faut avoir été sage toute l'année. Oui, bien sûr. C'est important. La semaine prochaine, on fera une semaine spéciale où on demandera aux gens si ils ont été sages. On aura des enfants en ligne. On vous prépare une belle dernière semaine la semaine prochaine. Mais justement, la dernière bonne action que vous avez faite, c'est ça. Exactement. C'est le sujet auditeur. 0870 42 48. Avant de mener l'enquête à Saint-Malo pour l'affaire de qui a volé le sapin de la place gourmande de Saint-Malo. Je voudrais avoir vous donner les 10 vidéos qui ont le plus cartonné en France sur YouTube en 2018. Les 10 clips les plus populaires. Ok. Vous diriez qui, vous? Allez, si vous deviez tous donner un titre. Bah, on se souvenait de Gundam Style, là, qui avait cartonné. Ah non, 2018. Ah, que 2018. Ah oui, cette année. Ah ouais. Il n'y a pas un David Guetta, quelque chose comme ça? Non. Calvin. Un Sia? Calvin Harris. Moi, je vais dire un Calvin Harris. Non. Sia, non? Non. Non. Aya Nakamura. Oui. Attention, je vous l'ai fait, vous êtes prêts? Vas-y. Allez, je vous fais le dixième. Ramenez la coupe à la maison. 41 millions de vues. Ce qui n'est pas énorme, hein. Non, c'est pas ouf. C'est beaucoup, mais vu le nombre de fois on a bouffé, c'est pas. Pas dingo. Pas foufou. 9e PNL. Je t'aime. À l'ammoniaque, c'est je t'aime, bébé, chéri. À la folie. À l'ammoniaque. C'est une parodie. Ouais. Oh, bah, la parodie, elle a fait 62 millions de vues. Ah, quand même. Ah, ouais, quand même. Wow. En tout cas, les paroles. 8e, Caris. 75 millions de vues. Ah oui. 7e, Naestro et Maître Gims. Et Slimane et Dajou. Bella Ciao. 91 millions de vues. Ah. Qu'est-ce qu'on en a bouffé de cette chanson? Ouais, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas que vous n'ayez pas eu mal au cœur cet été avec ça. Vous savez quoi? Pourquoi? Je suis content d'être sur Énergie là. Je suis vraiment ravi. Bah, pas plus mal que j'ai évité cette période de Bella Ciao. Parce que franchement, je crois que j'aurais craqué. Vous m'auriez retrouvé pendu au lustre dessus là. Ça faisait beaucoup de versions. Ah là là, le Bella Ciao. Ouais, il y en a eu combien? 6-7, c'est un trop. Trop, c'est trop. C'est 6-7 de trop. 6e, Vald. 97 millions de vues. Et on va passer les 100 millions. J'analyse les paroles. Cherche pas. Ah ouais, cherche, ouais, pas trop, ouais. Cherche pas trop. Ah, 5e, ouais. Dajou. 125 millions de vues. 4e, Bob Marley. Non, non, Marley. Bob Marley. Il est de retour. Maître Gims et Vianney. 109 millions de vues. Et les 3 premiers, ça s'envole, je vous le dis tout de suite. Hein. Si je vous gêne, bah c'est la merde. 3, l'Algérino, 211 millions de vues. Ah, la musique de Taxi. C'est ça. La la la la. La la la la. La la la la la. Celle qui sera avec nous mercredi est deuxième du classement avec 248 millions de vues. Oh, dja, dja. Oh, y'a pas moyen, dja, dja. Et numéro 1, allez, vous avez une idée? Numéro c'est un Gims aussi. Il est venu ici. C'est français. Il est venu ici. Il est venu ici. Quand? Il est chez nous. Quand? Il y a moins de 2 mois. Son prénom? Non. Ah, je l'ai. Maître Gims. Jérémy Frérot? Non. Mais non. Je sais pas, ça aurait pu être. Amir? Non. Non. Non. Kenji? Non. Ah. Ah, Kenji est pas dedans du tout. Je l'ai, je crois. L'artiste. Ah ouais. C'est énorme. 243 millions de vues dans le monde. Oh la vache. Mais c'est fort parce qu'il y a du portugais. Donc si vous faites du portugais, vous allez au Brésil. Vous allez dans plusieurs pays. C'est malin. Il est malin l'artiste. Malin. Malin. Allez, on va mener l'enquête. Je suis chaud patate. Direction la boulangerie de la place gourmande de Saint-Malo. Pour le sapin. Je vais leur filer un coup de main. Allez. Qui c'est qui a piqué le sapin? C'est la musique de quoi? Enquête ça exclusive. Oui. C'est enquête exclusive. Ah oui. C'est quand même un voleur propre. Il a nettoyé toutes les épines, le mec. C'est vrai. Ça, c'est fou. Mais il l'a piqué avec les décorations, c'est ça qu'il faut savoir. Ah, tout complet. Ah, bah oui. Augustin Saint-Malo, bonsoir. Oui, c'est la boulangerie. Oui. Bonjour, madame, c'est Coé, l'appareil d'énergie. Comment allez-vous? Vous allez bien? Allô? Oui, allô? Oui, vous avez fait un petit blocage, là. Oui, oui. Pourquoi? Comme ça. Ouais, on est sur énergie là, hein. Attention, hein. La France entière vous écoute. C'est quoi votre prénom? On va raccrocher dans deux secondes. Oui. Hein, je pense. Oui, oui. Céline. Ah, Céline. Céline. Applaudissez Céline, ça va la détendre. Ça va la détendre. Elle a mis la radio. Voilà, Céline, Céline a branché pour Céline. Vérifier qu'on l'a fait vraiment. Céline, ça va la détendre. Là, je sentais qu'elle était un petit peu tendue. Ça va, Céline? Ça va bien. Bon, Céline, je vais te filer un petit coup de main pour l'enquête. On se tutoie, hein, on se connaît. Hein. Céline, amateur. Moi, je suis amateur de pain au chocolat aussi. Donc, bien sûr. Attention. En chocolat ou chocolatine? Les deux. Céline? Oui? Je reviens pour l'enquête du sapin qui a été volé. Ah, oui? Est-ce qu'on en sait plus, Céline? Ah, bah. Oui, hein, il a été retrouvé, il est parti à la déchetterie. Quoi? Hein? À la déchetterie? Vous avez retrouvé le sapin et il est parti à la déchetterie? Ou le voleur? Oui. Céline, Céline, si c'est un ni oui ni non, vous avez perdu, vous avez le droit de faire des phrases. Céline, hein, on compte pas les mots, hein, on peut se parler, bah, on a le temps. Écoutez, vous me rappelez parce que je suis occupé, j'ai des clients. Écoutez, vous savez quoi, vous allez me rappeler parce que je suis occupé, j'ai des auditeurs. A bientôt. Salut, au revoir. Mais c'est fou quand même, putain. Boulangerie de l'antipathie. La fromagerie, j'ai la Qu'est-ce fromagerie. Qu'est-ce qu'il veut, quoi? Les fromageries sont plus sympas. C'est plus calme à la. J'ai demandé si la fromagerie est plus sympa que la boulangerie à Saint-Malo. Demander n'est pas attribué. Ok, très bien. Ah, voilà, okay. Ah bien, eh ben, je vais faire la boucherie. Oh, bah, il faut tout. Je fais tout. Qu'est-ce que c'est que tes sons que tu mets, toi? Bah, c'est les virgules d'enquête exclusive. Oui, mais vachement doux. Préviens quand même, parce que là, je suis pas prêt. Bien. Et la boucherie de Saint-Malo ne répond plus au téléphone, 18h40. Pas de boucherie là-bas. Tout va bien. C'est Maurice Saint-Malo, bonsoir. Bonsoir, c'est Coé à l'appareil d'énergie, vous allez bien? Très bien, merci. Ah, vous avez l'air plus sympa que la boulangère que j'ai eue il y a deux minutes. Pas très sympa, disons. Alors, je vous appelle parce que je voulais prendre des nouvelles du sapin, mais on m'a dit qu'il était retrouvé. Je ne sais pas. Ah, vous étiez pas au courant, parce que le sapin a été piqué, moi je veux mener l'enquête. Hein. Alors, effectivement, notre sapin a disparu. Alors? Avec les guirlandes. Ben oui, c'est ça, oui. C'est le gang des sapins, on sait qui l'a pris ou pas? Alors, vous êtes très sympa, mais j'ai du monde là ici tout seul, donc je ne vais pas pouvoir m'éterniser. Mais... Le commerce marche bien à Saint-Malo, hein? Ouais, il y a du monde. Ah, c'est impeccable, il fait beau en plus, c'est magnifique. Ah, bah oui, dès qu'il gèle pas ou qu'il peut pas, il fait beau. Je vous embrasse, alors gros bisous, qu'est-ce qui se vend bien en ce moment? Bah, les burgers, bien sûr, chez Maurice. Ah, j'étais pas au courant. Vous faites des burgers? Vous ne connaissez pas les burgers Maurice? Non. Oh, les burgers Maurice, ils sont... Alors, quand vous allez venir à Saint-Malo, faut absolument venir nous voir. C'est vrai? C'est vrai? Oui. Ils sont bons? Bah, bien sûr. Naturellement. Ah, je vous aurais bien demandé de faire un coup de pub, mais c'est dommage, il y a des gens dans la boutique. Vous n'avez pas le temps. Allez-y. Elle est où la boulangerie? Pas la boulangerie, la bouche rouge. Au revoir. Tu vois, t'as voulu faire une belle action là, et ben voilà. Vous savez quoi, je vais peut-être pas aller faire mon one man à Saint-Malo dans les mois qui viennent. On fera un détour de la ville. On a du monde. Quoi, tu veux faire un one man chez nous? Non, je peux pas, j'ai du monde. Non, c'est dommage. On sait toujours pas pour le sapin finalement. On sait pas, et j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Donc, allez, alors je vais faire un truc. C'est que j'ai essayé d'être proche des gens. Voilà. J'ai voulu faire mon Jean-Pierre Pernaut. Non, faut être égoïste. Vous faire foutre avec votre sapin. Voilà, c'est pas grave. Vous allez en mettre un autre, un tuya, n'importe quoi. Je m'en fous. Voilà, c'est tout. A tout de suite. Bougez pas, on vient. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole, les yeux de

solo donde te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. Énergie vous offre le plus beau des cadeaux pour Noël. Coué, coué, coué. Un peu galère à emballer, mais ça vaut le coup. Allez, 17h20. C'est Coué sur Énergie. Allez, toi c'est ta fête, c'est pas moi. On est donc d'accord que cet habillage n'est fait que de vannes sur le physique. C'est pas moi. Coé, il va être dur à emballer, il passera pas par la cheminée. Moi, je crois que j'en ai écrit deux et ils sont tout mimi. Non, non, mais je dis ça parce que. À un moment, bon. C'est vrai, mon pauvre. Écoute, vraiment, mais il y en a d'autres, c'est Bichette qui les choisit pour les passer. C'est vrai. Par contre, tu choisis de les passer. Non, alors... un autre, au hasard. Mais un autre jingle de Noël. Au hasard. Vas-y, mets-le, appuie sur le bouton. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce bouton ? C'est un bouton. Ah ouais. C'est quoi ce truc ? La réaction de Bichette découvrant la console du quoi ce truc. Ah non, mais il y a des boutons qui n'étaient pas là. 17h-20h. Bah oui, mais celui-là. Bah ouais, mais bon. C'est cohésion. Mais non, tu m'as dit au hasard. Avec un long. Oh, quel lourd. Oh, il peut faire ce mal. L'art de perdre du temps. Non, non, c'est rigolo, c'est de l'humeur. Allez, toujours le retard, on y va. C'est bientôt la nouvelle année. Oh, je suis tellement pressé. Allez, je commence le décompte. 12587. 12586. Il a rien à voir. 12585. Okay. Oui, ça va être long. 12584. Ouais, ça va. Ah, il t'a pas bonné là. Ça va. C'est Coé sur Énergie. Je crois que c'est écrit. Tu rentres pas dans la cheminée. Je crois que c'est écrit le seul jingle sans vanne sur son écran. Il y en a plein d'autres. Alors, on est classé combien, TT France ? Numéro 3 derrière Macron et Booba. Ils font un truc ensemble ? Il y a un son nouveau rap, c'est un featuring ? Non, non. C'est le Macron qui fait le 20h et Booba qui se fait cambrioler. Macron, il a raison. Moi, c'est une très bonne idée qu'il ait attendu que l'émission soit finie. Très bien. Oui. Il pense à son audience. Ah, mais non, il nous écoute. Il a raison. Le mec, ils ont dû lui dire, monsieur Macron, 18h30, il fait ah non, j'attends que Coé, fini. Hop. Il sait que sinon. Un creux dans son audience. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ce soir ? Bonjour déjà. Comment ça va ? Alors, aïe. J'ai bien entendu le message voilà. Des Français. Voilà. Je pense qu'il faut que nous prenons le dialogue. Alors, notez bien le mot dialogue. Dialogue. Alors, attends, on va noter les mots-clés. Non, ça va être j'ai décidé d'enlever la taxe. Oublie tout ça, oublie tout ça. Oublie le G. Non, il va y avoir. Nous avons appris. Il va y avoir le dialogue. Dialogue, ça va arriver. Ça va être. Nous avons entendu le mot entendu. Tu fais quelque chose, un nouveau mot. Ah mais je suis pas dans sa tête non plus, ah ouais. Stouff. Je peux pas savoir ce qu'il va dire. Je peux pas tout. Allez, Mesmer, qu'est-ce qu'il va dire? Dialogue entendu, compris. Ok. Voilà, compris, ça va être mis dedans. Et puis voilà, et puis après une série d'annonces. Voilà. Et puis un vieux mot. Voilà. Oui. Plus employé depuis très longtemps. Quiproquo. Désuète. Tétérisé. Non, je sais pas ce qu'il va. Gobeler peut-être. Gobeler. Pourquoi ? Non. Voilà, ces trois mots-là, ils vont sortir. Ok, voilà, okay, noté. On redit, il y a quoi ? Alors, attends. Alors. La mémoire. Gobelet. La mémoire. Il y a gobelet. Dialogue mais pas entendu. Gobelet, faut pas noter. Dialogue gobelet. Entendu, compris, quiproquo, gobelet. Mais pas gobelet, c'est une vanne. Évidemment qu'il va pas dire gobelet. Enfin, j'offre à la fin du mois pour tous les Français un gobelet. Non, il va pas dire gobelet. Mais c'est toi qui as dit gobelet. C'était une vanne. Quelques hashtags. D'accord. T'es sûr ? On a Ambre qui nous dit, est-ce que vous saviez que la hauteur de la tour Eiffel peut varier de 15 cm selon la température ? Absolument. Et qu'elle bouge de 10 cm. Voilà. Le métal, c'est normal. Ah, je savais avec pas. Le vent. Il y a Elena qui nous dit, est-ce que vous saviez que le parachute a été inventé 100 ans avant l'avion ? C'est vrai, ça. Hein. Mais je ne savais pas. Mais tu sais faire vivre les trucs, en fait. Vivement que tu racontes des histoires sur France Télé, tu sais, genre, apprenons avec Bordas. Alors, attends, tu vois, j'en ai une autre. Alors, Vincent qui nous dit, est-ce que vous saviez que... En France, il est interdit de s'embrasser sur des rails de train. Ah non, je savais pas. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je ne savais pas non plus. En France, c'est interdit d'aller sur les rails. Oui, mais c'est peut-être pour ça. Allez, un dernier. Il y a David qui nous dit, est-ce que vous saviez que Coé ne sait pas siffler avec ses doigts ? Ah bah je ne savais pas. C'est vrai ça. J'ai, depuis que je suis petit, j'essaie, mais. Alors. Ah bon, en fait, si je sais. Ah, c'est 20 ans après. Ah si, ça commence. En fait, si. Nawel, le principe au téléphone ce soir, racontez-nous la dernière bonne action que vous avez fait. Attention, la dernière bonne action. Oui, Miko, tu peux nous le faire. Est-ce que tu es joyeuse, Nawel? Eh oui, voilà, puisque voilà. Joyeuse Nawel. Ah non, expliquez ça encore pire. Ah bah putain. Ah, il est trop drôle, ce Coé. Allez, on y va, je vous écoute. Ma petite Nawel. Bonsoir. Salut ma chérie, qu'est-ce que tu as fait de bien, dernière bonne action? Alors, j'ai fait une bonne action un peu folle, je l'admets. J'ai ramassé, j'ai pris deux autostoppeurs. Oh. Ouais, c'était assez spécial. Il pleuvait à torrents. C'est un début de film d'horreur, ça, généralement. Actuellement, franchement, je regarde, je me barre. Je fais pas attention, mais bon, là, je sais pas, j'étais dans ma journée sensible. C'est quoi une journée sensible? Ouais. Tu devais avoir quoi? Le premier jour de mes règles, à chaque fois, je suis très émotive. Okay. Donc là, j'ai vu de la pluie. Tu prends des gens en stop. Là, bon. Dès que j'ai mes règles, je prends des gens en stop. C'est une tradition. Ça marche vachement bien. Ça marche bien. C'est mieux qu'un tampon. Il pleut à torrent et tout. Donc je me suis arrêtée. Puis ça va, ils n'avaient pas l'air d'être non plus après. Ouais, ça va, le couteau avait pas l'air aiguisé. Non, Émile, lui, il ressemblait à un bon conducteur de bus aussi. Hein. Il avait l'air sympa à la base. Hein. C'est pas écrit sur le front. Il n'y avait que Francis Holm qui avait une sale gueule à la base. Ça, c'est vrai. J'aurais demandé s'ils n'avaient pas d'armes et tout. J'aurais bien, je suis une gentille. Et alors? Donc, ouais, ça s'est bien passé. Non, ça s'est très bien passé. Hein. Ils m'ont demandé mon numéro, j'ai pas donné, bien sûr. Bien sûr. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne action parce qu'en général, si tout le monde pense comme moi à ne pas s'arrêter parce qu'on a peur. Mais voilà, c'est vrai. Non, tu ne t'arrêtes pas parce que tu n'as pas tes règles. Après, c'est pas pareil. Après, oui, honnêtement, ouais, je pense que dans un. Je sais pas, là je ne le referai plus à faire, je ne le referai plus. Ah non, tu les as plus là. Voilà, pas avant un mois. Faut non, que ça après, je laisse en galère, franchement, sans mentir. Donc, tout le monde n'a pas fait le permis. Mais. Adorable. Mais non, là c'était un peu fou, mais c'était cool, à refaire, je le referai pas. Je le referai pas. C'était cool, mais à refaire, je le referai pas. Bisous, Nawel, je t'embrasse fort. Bisous, ma belle, j'adore ce truc-là, les mecs qui demandent les numéros. C'est quoi ton numéro? Le 23, il me porte chance, allez, salut. Nico de Bordeaux, ta dernière bonne action, c'était quoi? Salut, Corée, salut, l'équipe. Salut, Nico, c'était quoi ta dernière belle action? Bah alors, déjà, moi, j'avais pas mes règles. Ok. C'est pas vrai. Mais moi je trouve ça étonnant. Elle a sa période. Le premier jour, c'est elle fait les bonnes actions. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est mignon. Mais écoute, moi j'étais en train de me balader avec mes enfants, avec la petite famille au marché de Noël à Bordeaux. Et puis, ils ont voulu manger des churros, là, les petits chichis. T'as dit non. Mais si tu veux, juste avant, on est passé devant quelqu'un qui était au feu avec sa petite pancarte. Et donc, on lui a acheté un cornet de churros et puis on lui a donné. Et puis, ça lui a fait plaisir et il était très content. C'est gentil. Et nous, ça nous a pas coûté grand-chose, quoi. C'est bien. Voilà. Bah, tu vois, regarde. Voilà, fais attention. Voilà, ça, c'est bien. Crois-moi que si Jeff avait vu ça, il aurait chialé. Il donne mes choses, mes choses. Ouais, c'est pour moi. Je t'embrasse, Nico. À bientôt. Gros bisous à Bordeaux. Ouais, salut, mon pote. Dans un instant, la suite sur Énergie. Merci d'être là. On va jouer dans quelques minutes. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous le trouvez, vous gagnez une PS4. Ça sera peut-être votre gros cadeau de Noël. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms like a toast. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Georges Ezra sur Énergie, tout va bien. Ah, qu'est-ce que tu sais? C'est Coé sur Énergie. C'est l'heure du qu'est-ce que tu sais. Nous aurons tout à l'heure à la fin de l'émission, on se refera la compile de Booba hein, qui a été cambriolé. Vous avez vu, tiens, que Ed Sheeran va refaire du cinéma. Dans quoi il avait joué? Est-ce que vous vous souvenez dans quoi il avait joué? Game of Thrones. Oui, non. Bien joué. Un petit rôle. Et bah là, il va jouer. Il avait dans Bridget Jones. Ah, son propre rôle. Oui. Et bah là, il va jouer dans. Allez, je vous écoute. Allez, on y va. Le prochain James Bond. Est-ce que c'est une série? C'est une série, oui. C'est une série de films. Ah, c'est une série de films. James Bond. Mais c'est qui savent dans le public ou pas? Oui, tu dirais quoi, mademoiselle, au premier rang? Oui. Star Wars. Absolument, bien joué. Ah. Il va jouer dans Star Wars épisode 9, qui sortira en décembre 2019. On ne sait pas encore ce qu'il va jouer. Dark Crudor. Roubaca. Oh, c'est du maître Rouda. Et j'ai appris un truc qui m'a scotché. C'est quoi? J'ai appris que Netflix a annoncé que la série Friends serait toujours disponible dans son catalogue en 2019. Alors, ça viendrait pas à l'idée d'acheter Netflix pour regarder Friends. Ouais. Mais bon, après tout est possible. Il y aurait toujours des nostalgiques. Oui, mais bon, est-ce que vous savez combien? Pour avoir la Friends, combien a déboursé Netflix? En exclu? Bon, je suis pas en exclu. Mais c'est pas exclu. Il y a pas d'exclu. Mec, il y a pas d'exclu. C'est rincé. Ça passe sur RTL 9. C'est les droits. Non, t'as pas une fourchette? Non, j'ai un couteau, si tu veux. Punchline. Non, mais à la louche. J'ai pas tous les ustensiles non plus. Alors. C'est en millions. Ah oui, c'est pas en centaines d'euros, c'est ouf. Enfin, réfléchis. Moi, je dirais 20 millions d'euros. De dollars. 30. C'est une vieille série hein, quand même, pensez-y. Hein. 10, 5. Moi je te la fasse. Allez, 2. 100 millions de dollars. Quoi? 100 millions? Ils ont déboursé 100 millions de dollars pour avoir la série Friends. J'ai lu, c'est con, ils m'auraient appelé, j'ai toutes les cassettes, j'aurais fait moins cher moi. J'aurais prêté les. Et il paraît que quand ils ont appris cette nouvelle, le patron de TF1 a appelé Netflix en disant: nous on a Joséphine Ange Gardien à vendre. Et Netflix a dit super. Ouais, ils ont accroché. <Merci. rire> Allez, attention, on va jouer. Qu'est-ce que c'est? Nous avons Camille qui habite la Haute-Garonne. Comment ça va, Camille? Salut, Boé, toute l'équipe. Salut, toute l'équipe. Est-ce que tu fais quoi dans la vie? Je voulais dire coucou. Ouais, coucou, toutou, foufou. Voilà, tu vois, je suis trop impressionnée d'être avec vous. Je comprends. Et encore, tu nous as pas vu tout nu. Camille, tu fais quoi dans la vie? Je m'occupe des personnes. Très bien. Toute la journée, tu en as combien? Une, deux, trois, combien? Non, en fait, j'ai une tournée de. En fait, je travaille pour une mairie et j'ai une tournée où je vais amener des repas à des personnes âgées. Est-ce qu'à chaque fois, ils te font un petit café, un petit coup à boire, un petit truc comme ça? Certains me le proposent. Après, c'est vrai que comme ils sont quand même isolés, c'est bien que je puisse passer un peu de temps avec mais eux. C'est très bien, ma belle. Bravo, Camille. Je vais te présenter celui contre qui tu vas te fighter, qui s'appelle Yann. Il habite à Arras. Ça va, Yann? Salut, Coco. Salut, l'équipe. Salut, mon ami. Yann, tu fais quoi dans la vie à Arras? Moi je suis infirmier anesthésiste et chassé le week-end. D'accord. Et quoi le week-end? Je suis échassier, tu m'as déjà croisé, je fais les gros robots LED. Ah, échassier. Échassier, ah ouais, les trucs en club là, qui font les avec toutes les lumières là, non c'est ça? Tout à fait, ouais, on s'était croisé à Arras. Eh oui, mais j'ai vu que tes jambes. Alors attention. Voici, si un jour je vois tes, si un jour je vois tes genoux, peut-être que ça m'en viendra, mais j'ai vu que ça. Camille, Yann, je vais vous donner des indices. Vous me dites tout ce qui vous passe par la tête, parce que peut-être que dans ce que vous allez me dire, il y a la bonne réponse. En jeu, on joue pour quoi, Stouff ? Une PS4 Pro et le coffret intégral de Mission Impossible. C'est de toute beauté. C'est pour la sortie de Mission Impossible Fallout. Je me doute. Très bien le film Mission Impossible. Si vous ne l'avez pas vu, très bien. Vous êtes prêts ? Oui. Prêt. Complètement improbable, mais très bien. Ah oui, c'est le film où il y a la Tour Eiffel à côté de, du 13e arrondissement. Oui, c'est le film où il s'écrase en hélicoptère, mais une égratignure. Raconte pas tout, je vais le regarder ce soir. Bah, je viens de te dire la fin. Non. Attention. Voici. Oh, de toute façon, s'il s'écrase pas en hélico, il s'écrase en voiture. J'ai vu un film il y a pas longtemps. Ah, tais-toi. J'ai vu un film il y a pas longtemps. Comment ça s'appelle ce film, vous savez, avec The Rock, Dwayne Johnson, c'est pas 2012, dans comment, avec les tremblements de terre. San Andreas. C'est fabuleux. Vous le reverrez en pensant à moi. Le mec, en deux heures de film, il fait tout. Oui, il pilote un hélicoptère, il pilote un avion, il pilote un bateau, il fait de la moto, il fait de la bagnole. Le mec, il fait tout en deux heures de film. Puis alors, les gars, il est sur une vague, il est sur son petit bateau. D'un seul coup, tu sais pas pourquoi, la vague, elle est au 25e étage. Puis d'un seul coup, trois secondes après, elle est au niveau de la route. Oui. Puis de l'autre côté de l'immeuble, elle est à nouveau au 25e étage. Tu ne comprends plus rien. Ah ouais, mais les forts raccords de la merde. Ça ne veut rien dire. Comment ? Le film où il est dans la tour, là. T'as pas vu ça ? Si. Alors, mais c'est énorme. C'est de ça dont je parle. Ah bon ? Non, c'est un autre encore. C'est un autre encore ? Oui. On peut y aller ? Bordas, tiens, tu veux pas colorier ton pull en une autre couleur ? Je te donne un quatre couleurs. Colorie-le en noir, il est rouge, c'est pas beau. Allez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voici le qu'est-ce que c'est ? Camille, Yann, on est parti. Premier indice, ça fait entre 10 et 25 cm. Waouh. Allez, on y va. Une règle ? Non. Tout ce qui vous passe par la tête. Camille, on y va. Allez-y. Un crayon ? Non. Une queue ? Une craie. Une queue ? Une quoi ? Ah non. Ah non, j'ai elle a dit ça. Elle a bien dit une. Queue de chien ? Non. De cochon ? De cochon ? Une Non. Il y en a qui disent encore ça. Il se cache. Non, mais peut-être. Il a remonté le colombé. Une quoi ? Lui fais pas dire. Camille, c'est bien ça ? Un zizi ? Oui. Ah, moi je crois qu'elle parlait de l'animal. Non, je crois qu'elle parlait bien de. Ah, d'accord. Entre 10 et 25 cm, ça nous fait de la marge. Quand même. Non, c'est pas ça. Attention, c'est, deuxième indice, c'est mou ou très dur. Ça prête à la confusion là. Ah oui, ouais, c'est le but. C'est mou ou très dur. C'est mou ou très dur. Mou ou très dur, ça fait 10 entre 25 cm. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Ah, c'est pas con. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non. Si t'en abuses, ça finit dans les fesses. Non. Ah bah non. Non. Ah bah Camille, on t'entend plus. Non. Camille, une proposition, Camille. Une matraque. Alors, on est passé la taille au-dessus, là, d'accord. Non. Donc, si t'en abuses, t'en finis dans les fesses. Mais non. Mais c'est pas non. J'ai abusé de la matraque. Un Père Noël en chocolat. Non, mais on se rapproche. C'est bien de venir avec quand t'es invité. Une bouteille de vin. Des paniers Dioplait. Non. Du chocolat. Il y en a. On commence à en voir partout en ce moment. Ouais, c'est la période. Des dindes. Comment ça en voit ? Des dindes en chocolat, bien sûr. Des dindes. Non. Des chocolats, attends, comment ça en voir partout ? Réfléchissez. Des cloches ? En non, des cloches à Noël. Tu veux ma main dans ta gueule ou quoi, Yann ? Des cloches à Pâques. Redonne les indices. Du foie gras en chocolat. Allez, on y va. Ça fait entre 10 et 25 cm. C'est mou ou très dur ? Comment ? Une bûche. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Camille ? J'ai dit des bûches de Noël. C'est Camille qui l'avait dit avant. C'est pour ça que je voulais lui faire répéter. Camille, tu me dis une bûche de Noël. C'est la bonne réponse. Voilà, c'est bien de venir avec quand t'es invité. J'avais même quand ça déborde, t'en as partout autour de la bouche. On commence à en voir partout en ce moment. Et il y a des petits nains qui coupent du bois dessus. Voilà. C'est une. Génial. Bah voilà, donc ça veut dire que tu gagnes la PS4, ma petite Camille. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup, Coco. Je t'embrasse fort. Embrasse ton mec qui s'appelle comment ? Il s'appelle David. David, tu feras un gros bisou à David. Yann, je t'embrasse. On va te filer des cadeaux, d'accord ? Merci.

someone said, don't drink a potion. She kiss your neck with no emotion. When she's me, merci d'être avec nous. Demain, les trois cafés gourmands seront là. J'adore les trois cafés gourmands, mais c'est une pépite les trois là, j'adore ça. J'adore Dja Dja. Aïe, Nakamura, je l'ai bien dit, frérot. Je l'ai bien dit. Je te griffouille, mon frérot. On se griffouille. Il est au taquet derrière moi. Et encore, il a pas mis son pied parce qu'il n'arrive pas à le lever jusque là. Tu disais quoi, frérot? Je suis chaud. Pas le gauche parce que je peux pas. Il a une souplesse d'un côté, mais il arrive pas à lever la jambe. Si je mets l'autre, je tombe, frérot. Et ça, t'as une broche? T'as une quoi? Ouais, j'ai une broche, en vrai, véridique. Mais c'est dans le bras et tu voilà, montes la jambe. Mais d'où t'as lié, mec? Voilà. T'as une broche dans le bras gauche. Et tu peux pas lever la jambe. Si, regarde. Dans la jambe aussi, mais c'est bien malgré la goutte. Regarde. Voilà. Mettez-lui de l'anti-rouille, s'il vous plaît, parce que de l'huile. Il y a un problème. Dans un instant, il y a quelqu'un qui vend un lot. C'est quoi cette arnaque du Bon Coin? C'est quoi? Voilà, c'est des casquettes. Le gars vend des casquettes Balenciaga, Gucci et tout. 40 balles. Et les casquettes, j'en ai vérifié, 300 balles. Voilà. Ouais, ça vaut 300. Il les vend 40. Devant moi, je l'arrache la tête. Non, il n'est pas excessif. Dans un instant, nous aurons, nous reviendrons sur la compile de Booba qui s'est fait cambrioler. Oh, nous aurons une boulangerie, donc je ne sais plus ce qu'elle fait. Hein, si elle fait des gilets jaunes en forme de pain au chocolat, des. Père Noël en chocolat, en gilet jaune. Ça commence à devenir compliqué. Père Noël, bon, il y a la vidéo qui est sortie. Qui l'a vu dans le public, la vidéo de l'équipe du matin contre l'équipe du soir? Une, deux personnes. Ok, très gros succès. Okay. Vous aviez d'autres choses de. Mets le micro, ceux du. Mademoiselle, bonsoir, c'est à toi que je parle. Bonsoir. Pourquoi tu n'as pas vu cette vidéo? Si, je l'ai vue. Bah alors pourquoi t'as pas levé la main? Non, non, papa, c'est pas levé. Oh non, tu l'as pas fait ça comme ça. Passe le micro à côté, pourquoi tu l'as pas vu? Parce que je l'ai pas vu. Pourquoi? T'avais autre chose à faire? T'as un mot? T'es occupé à ce moment-là? J'avais cours. Oui, c'était sorti hier soir, mais c'est pas grave. Non, en vrai, j'ai vu. C'est sorti ce matin. J'ai vu que vous étiez allé au laser game, c'est déjà pas mal. Oh, c'est bien, mais t'as pas vu la vidéo à côté, pourquoi? J'étais dans le coma. Hein, c'est glauque, mais. Mais ça fait excuse. Mais ça fait une bonne excuse c'est faisable. Excuse, hein. Il y a ça et j'étais mort, qui sont deux excuses que je peux accepter. À côté, mademoiselle, pourquoi tu l'as pas vu? Parce que j'ai pas regardé. C'est la meilleure raison. Je vais lire quelques-uns de vos commentaires. On n'a pas eu un mec comme ça parce que je vous aime pas. Au revoir. Parce que je m'en fous. Je vous en lis quelques-uns. Oh, mais les tricheurs. Trop cool, refaites-en une mais plus longue. Rachel dit on veut plus de vidéos comme ça. Team du matin versus team du soir. Appelle-moi princesse qui dit MDR, même en trichant, vous êtes nuls. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'or? Qu'est-ce qu'il y a? Florian, même en trichant, la Team Coé a réussi à perdre. Pierre a dit, petite question, c'était au Laser Game de Moulins dans l'Allier où vous êtes allé? Oui, bien sûr, on est allé jusque là-bas, il n'y en a pas à Paris, tu comprends? Donc on aime bien aller dans l'Allier, on prend un petit, on prend 5 heures de route et on rentre. Non, c'était pas à Moulins. Non, c'était à la Villette. Message de Cricri, qu'est-ce qu'il a dit? Une petite remarque pour Bordas, à chaque fois tu en prends plein les oreilles. D'accord, tiens, je voulais quand même juste vous raconter un truc qui s'est passé, qui était magique, le petit assistant qui est là. Rappelle-moi ton prénom? Oscar. Oscar, on coupait des bouts de bûche et je vous jure que très sérieusement, il coupe un bout de bûche et on lui, Pierre lui dit tu peux en amener à toute l'équipe et il a fait cette phrase magique, il a dit même à Bordas. Bravo, c'est bien, bravo. Merci Oscar. Même à Bordas. Mais très sérieusement, il l'a fait. Hein. Genre, il ne mérite pas parce qu'il fait que des tweets nuls depuis tout à l'heure. Message de Flo. Salut Coé, je viens de voir ton snap avec sur ton chien juste pour te dire qu'on voit ton numéro de téléphone sur la plaque du chien. Oh merde. Ah non, c'est plus le bon numéro donc. C'est pas grave. Ah. J'espère que tu passeras faire ton one man à Metz. Je t'écoute tous les jours en podcast et je me marre à chaque fois, reste comme tu es. Merci mon ami, on espère qu'on viendra bientôt. Donc le chien a un faux numéro de téléphone. S'il est perdu, bon, on appellera le numéro, mais ça sert à rien. Ils peuvent toujours t'appeler, ça marchera pas quoi. C'est bien, c'est pratique. Ah, c'est bien. Ok. Bon. Ouais, voilà, il a une puce sinon, hein. Ça marche aussi. Il a tout absolument. Oh, il n'en a pas qu'une. Hein. Il est géolocalisé, il a tout. Message de Guillaume Carpentier. Salut l'équipe. Déjà, je voulais dire que ça fait des années que je vous écoute tous les jours. Au début, j'étais ado, je vous écoutais dans ma chambre chez mes parents. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je vous écoute toujours dans mon camion chaque soir 17h-20h. Je me tape des fous rires grâce à vous. Je voulais juste vous faire plein de bisous et vous encourager. Comme ça, ne changez pas. Vous êtes les meilleurs. Guillaume de Héricourt, bisous, faites bisous avec Guillaume. Bisous Guillaume. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Un hommage à Bichette, une jeune fille qui envoie une photo marquée Bichette sur son t-shirt. Oh, c'est gentil. C'est mignon, un hommage à Bichette, merci de me faire rire toute seule dans ma voiture pendant mes 45 minutes de route, vous êtes super attachant. Et Bordas, super patient. Gros bisous. Oh, gentil. Oui, c'est réciproque. Bien, aussi, super patient. De Christophe Leroy, bonjour, je cherche désespérément le titre Bar Mitzva que joue DJ Babas. Merci d'avance, continuez, vous êtes géniaux. Tu peux lui mettre? Je vais lui mettre. Voilà, si ça peut lui faire plaisir. Attention, tu me dis quand tu l'as. Mais en plus, c'est un bordel tes sons. Hein. Bah, c'est bon. Voilà, attention, 3, 4, enregistre. C'est tout. Ça nous fait plaisir. Voilà. Bonjour l'équipe, j'écoute le replay de vendredi. Au boulot, je suis en train de pleurer de rire avec l'électricien et ses ampoules de Noël. Je vous adore. Continuez comme ça, votre émission, c'est le seul moment de la journée où je pleure de rire. Je me languis d'être le lundi pour vous écouter. Chacun son truc, gros bisous. C'est Cali Sanchez, on fait un gros bisou. Ça fait plaisir. Merci pour ce gentil message. Popo Hamel, qui nous dit, c'est son nom. Hein. Bonjour, Hamel Bent a sorti un nouveau single. C'est pour savoir si c'est prévu qu'elle sera prochainement. Si c'est prévu qu'elle sera prochainement et dans votre émission pour parler de son nouveau single. Si, je voudrais savoir si c'est prévu qu'elle sera prochainement. Non, c'est pas. N'y a-t-il c'est pas prévu qu'elle soit prochainement. Qu'elle soit prochainement. Oui, oui. Eh bien, why not? Non, oui. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté le nouveau. D'accord, demande ça à la direction d'énergie avec plaisir. Théo qui me dit salut les BG. Bah, salut BG, toi aussi. Message de Tariq, j'en reviens toujours pas ce mardi, je serai dans le public de Coé, où je vais rencontrer en vrai Coé, Miko, Monsieur Jeff, Bordas, tout ça et tout. Oh, il est content. Ben nous, on est content de te recevoir, mon ami. Message de quoi d'autre encore, Vanel. J'ai mes billets, hâte d'être à samedi pour voir en vrai Coé. En attendant, passe une excellente semaine à toi et toutes les équipes. Ah, ça doit être pour Rouen. Rouen, ouais. One Man à Rouen et à Lille, les amis. J'ai hâte de vous voir, moi aussi, vraiment. Dans un instant, une arnaque du bon coin. Quelqu'un qui vend des casquettes Balenciaga et Gucci, 40 euros. Ah, ça sent l'arnaque, mon frérot. Ça pue l'arnaque, mon frérot. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire, de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme m'appartient. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout, de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. 17h-20h. C'est Coé sur En public demain, 3 cafés gourmands. On perdrait la tête, on veut un dernier charbon, un petit bout de gueule. Si je vous dis Jason Momoa, est-ce que vous savez... Tais-toi, tu sais qui c'est. Ouais. Est-ce que vous savez qui est Jason Momoa? C'est un acteur. C'est un surfeur. Momoa, c'est surfeur. Non, c'est ce que dit... Dadju à la fin. Dadju, Momoa. Je peux dire. C'est pas... Je peux dire. Non, mais attends, mais regarde tes hashtags, toi tu me les liras dans un instant. Un chanteur, acteur, oui. C'est pas celui qui fait Aquaman. Bravo. Ah, oui, c'est l'acteur qui joue Aquaman. Vous savez comment il a eu le rôle de monsieur Momoa? Non. Il est allé faire un casting, c'était il y a quelque temps, pour jouer un petit rôle dans Batman The Dark Knight. OK. Ouais. OK. Et donc il fait le casting et il a failli pas y aller parce que de toute façon personne voudra de moi. Il a raté le casting pour Batman et le mec l'a rappelé, lui a dit: "Est-ce que ça vous dirait de jouer le rôle principal dans Aquaman ?" Et il est passé d'un petit rôle tout pourri, enfin qu'on allait quasiment pas voir, au rôle principal dans Aquaman. C'est ouf. C'est cool. Ouf, non? Ouais, grave. Et il voulait pas y aller, il disait à ses potes: "Je veux pas y aller, j'ai aucune chance." Non, je sais pas nager. J'ai pas de pied. C'est fort, Aquaman. Ouais. Ça sort la semaine prochaine, je crois. Hein. Ouais. Là, le film? Ouais, Aquaman. D'accord. Avec un autre super-héros, Rick Harman. Tu les mélanges et... Aquaman, Rick Harman, ça fait un apéro. Apéricum Man qui arrive là, comme ça. Il se greffe. Bah oui, mais Schusterman. Schusterman. Schusterman qui arrive dans la foulée. Curly Girl. Curly Girl, elle est chouette. Celle-là, je la kiffe. Bon, en tout cas. N'importe quoi. Vous savez que moi, je voudrais bien aller le voir en 4DX. Il y en a déjà qui ont essayé la 4DX. Oui. La 4DX, c'est ouf parce que t'es dans un siège. Il y en a de plus en plus maintenant dans toute la France. C'est un peu plus cher qu'une séance normale. Et en gros, t'as de l'air chaud. Oui. Ton siège, il bouge. Ouais. T'as des vibrations. T'as du vent. Et t'as de l'eau. Et la dernière fois, moi, je suis allé voir Jason Statham dans le film En eau trouble avec le gros poisson. Ah oui, ouais. Écoute-moi bien, mec. J'ai pris de la flotte dans la gueule tout le film. Ah bah. Et à chaque fois que je m'endormais, ça faisait pouf. Et je me prenais un truc d'eau et j'ai pu le couper. Mais là, je pense qu'Aquaman. Ouais. Mais vas-y, en cas. Ah, mais je te jure, je vais aller voir Aquaman. Je vais prendre un grand truc, je vais prendre des lunettes de plongée. Je vais, vas-y, fais péter ton eau. Allez, vas-y, ton 4DX. Je suis chaud, Fais péter le 4DX qu'on y aille. Alors, Jean-Jacques. Je vous écoute. Parlons, s'il te plaît, Jean-Jacques, de cette collection. Cette arnaque. Et voilà, encore un Jean-Jacques de plus. Il nous fait les casquettes Gucci Balenciaga à 40€ alors que ça vaut 300€. Il se fout de notre gueule, celui-là. Est-ce que vous êtes, avant qu'on appelle, est-ce qu'il y en a qui sont déjà fait arnaquer sur une. Parce qu'on le fait beaucoup depuis le début de l'année, des arnaques du Bon Coin, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté un truc ou qui ont vu passer quelque chose en disant j'achèterais bien ça, mais ça sent l'arnaque? Non, bah justement, ça, quand ça le sent, tu t'achètes pas normalement. Pas forcément, t'as peut-être aussi des bonnes affaires. Moi, j'avais acheté un pull sur Wish. Ça ressemblait pas du tout à la photo. Je l'ai jeté à la poubelle. Oui, c'est quoi? C'est un site. C'est le truc c'est où chinois. T'as tout à 2 euros. Un truc euros. Ouf. Ah, c'est là où t'achètes tes câbles, tes recharges iPhone ou tu veux foutre le feu à ta baraque. Ouais, c'est ça. Ah, bah, j'ai ça, eu ça aussi. Mais ça, ce site-là, si vous voulez, vous trouvez que votre maison, n'a pas brûlé. Oui. Vous dites tiens, j'aimerais bien toucher l'assurance. Achetez un câble iPhone, il vaut 1,30€. Ouais. Vous dites c'est beaucoup moins cher. Vous le mettez puis vous attendez. Je pense que dans l'heure qui vient, la maison prend feu. Non mais c'est terrible. Il y a des trucs qui sont limite dangereux. C'est pas énorme. Moi j'ai une dame qui a voulu piquer mes livres d'histoire géo. Je les avais mis en vente sur le Bon Coin et elle voulait que je lui envoie, mais elle voulait pas me payer tant que je lui avais pas envoyé. Tu as que des histoires incroyables, toi. Hein. Ah, c'est une non, mais y a, tu vis des trucs, c'est palpitant. Tu veux pas faire un livre un jour? Genre les choses folles, tiens, je le vois, les choses folles qui ne me sont jamais arrivées. Mais c'est un truc, et qui m'arriveront peut-être. Mais c'est tu poses la question, je te réponds. Bon, je vous fais la petite annonce. Vente de casquettes neuves Gucci, Balenciaga, 40 euros. Dans un instant, je m'en occupe. Dans un instant, je règle le truc. D'accord. Ça sent l'arnaque. Hein. Évidemment, oui. Ça sent, c'est toi, truc tombé du camion. Ou les faux. Allons, Jack. ça pue du cul. Hein. Oh, non. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah. You're smiling and taking my baseball cap. Camarades de Otakos que l'on embrasse, c'est plus de 200 restaurants dans toute la France. C'est ce qui a Otakos, ça cartonne. Hein. C'est ce qui, oui. C'est ce qui a dépoilé le kebab. Oui, en plus, ouais, c'est français, c'est monsieur. Non, mais je sais pas si c'est français, mais tout le monde prenait un dépoilé. Il a dit dépoilé. Ils sont arrivés avec une bande adhésive, ils ont pris le kebab. Dépoilé. Et donc Otakos va permettre de gagner vous à un auditeur 5000 euros. Le principe, il va être simple. On va prendre deux membres de l'équipe. Je les connais pas encore, mais j'en ai déjà un. Il est au régime. Qui vont devoir manger le Giga Tacos. Avec ça, Aquaman, il t'ouvre la mer en deux. Hein. C'est simple. Ah non, mais tu sais quoi, Aquaman, il aurait pas sa trident, il aurait un Giga Tacos, il tue tout le monde. 2,5 kg. J'ai le truc, les gars, j'ai le truc. Le public. Un gourdin. Et c'est un gâteau, c'est un plateau. Non, mais c'est énorme. Non, mais c'est la taille du plateau. Mais non, c'est un plateau. Mec, on peut même pas le prendre dans les mains. On peut quand même choisir le goût. Ils vont pas t'imposer. Ils vont pas t'imposer, oui, bien d'accord. Sûr. Okay. Vous choisirez le goût. Le principe sera simple. Le public, les auditeurs vont parier. Sur quel support ils vont parier? On fera Twitter, on fera quoi, Bordas? Ouais, on peut faire Twitter, c'est bien. C'est bien, je vois que c'est pas décidé. Donc, vous ferez vos pronostics. Vous choisirez quelqu'un. Vous direz, je mise sur, par exemple, Miko, si c'est Miko, ou Jeff. Ah bah moi, je mise sur Jeff. Hein. Celui qui même aura... si je joue moi, je mise sur Jeff. Oui, mais faut que tu fasses gagner l'auditeur quand même. C'est celui qui aura le plus avancé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attends, je voudrais qu'on bah oui, faut que ce soit clair. Est-ce que... On va les peser au début. Est-ce que les gens disent, je vote Miko, par exemple, ou je vote Jeff? C'est ça. Et si c'est Jeff, par exemple, qui a gagné, on ne prend que dans les gens qui ont voté Jeff, et on en prend un au sort, ou est-ce qu'on en présélectionne deux? Ah, c'est plus marrant de ouais. Et ils choisissent oui. À l'antenne. Ouais. C'est plus drôle. Ouais, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Parce que ça comme ça, on aura le déçu avec nous. Et ça va donner, mais attendez, parce qu'on joue pour 5000 euros. Il y en a quelqu'un qui va gagner 5000 euros en deux secondes quand même. Donc, j'aimerais bien qu'on donne des chances à tout le monde. Et moi, 5000 calories. Et puis il y en a un qui va perdre 5000 euros. Eh ben, inscription et tirage au sort avant. Voilà. Ouais. J'ai pas encore réfléchi. Bon, bref, 5000 euros à gagner. Et pour tout le public qui viendra nous voir jeudi, tacos pour tout le monde. Si vous êtes dans le public jeudi, il y aura des tacos pour tout le monde. Voilà. Ils font la gueule parce qu'ils sont pas là jeudi. Merde. Ah ouais, il fallait être là jeudi. C'est pas le lundi qu'il fallait venir. C'est le jeudi. Bon, il y a jamais bon, venir le lundi. Ce que je vous propose, on appelle l'arnaque du bon coin. Oula, ouais, absolument. Je parle avec une voix de Jean-Jacques. On est d'accord? Ah oui, d'accord, okay. Vas-y. Si tu veux. On est d'accord, donc on est parti. Des casquettes Gucci, des casquettes de l'autre marque, 40 euros. Attends, bientôt Noël. Cela paraît totalement suspect. Attention. Bon, ça sonne. Quoi, c'est long? Qu'est-ce que t'as, c'est ouf? Ouais, ça sonne, là. Ça sonne. Ah, on est sur on est sur le répondeur. Ça donc, sonne pas, Jean-Jacques. Tu y retournes? Jean-Jacques. Merci beaucoup. Alors, on essaye, c'est pas gagné, c'est du direct. Hein, donc, pas à l'abri des fois d'une fausse manip. Voilà. Comment? Il suffit qu'il se soit fait choper avant le loup. Peut-être voilà. Que la personne, je sais pas, il y a un tunnel qui s'est construit au-dessus de sa maison, on ne sait pas. C'est vrai que là, ça ne sonne plus du tout. Hein. Ah, il y a un problème. Ah, quand même. Pas trop tôt. Allô, oui, bonjour. Ouais, c'est qui? Oui, bonjour, ben, je suis un client, j'ai vu l'annonce pour les casquettes. Ah ouais. Bonjour, je suis désolé, hein, je vous dérange pas? Non, tranquille, je suis voilà, en parce que j'ai vu qu'il y avait du Discord, du Gucci, du Balenciaga, j'adore ça. Ouais. Donc elles ont l'air en belle qualité, j'ai vu la photo, très beau. Ouais, ça va, franchement, elles sont bien. Hein. Pourquoi c'est si peu cher donc? Parce que. C'est mon frère en fait qui m'a demandé de les vendre. C'est mon frère qui m'a demandé de les vendre. Ah d'accord, très bien. Moi j'ai envie de les prendre parce qu'elles me plaisent beaucoup. Est-ce que vous me faites un prix si je vous en prends plusieurs? Bah ouais. Tu prends tout, bien sûr. Est-ce que ton frère, on va se tutoyer, on gagne du temps. Hein. Est-ce que ouais. Ton frère a les factures? Ah, j'en sais rien. Moi, dis, tu les vends, tu les mets sur le bon coin, tu prends ton billet et tu te débrouilles. Quoi. Ouais, non, mais parce qu'il faut savoir ce que ça vient, que je n'ai pas de problème, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, moi, d'où ça vient, c'est lui, il les a achetés, il m'a dit tiens. Oui, il les a. Non, tu les vends. Oui, mais il les a achetés, voilà. C'est le problème. Parce que, est-ce qu'éventuellement, il peut en avoir d'autres? Ah, ça, je sais pas, ouais, normalement, ouais. Après, ça dépend s'il t'en veut beaucoup. Il faut quoi? Il faut une grosse livraison. Non, mais ce qu'on veut se faire, c'est que moi, j'ai pas mal d'amis. On se fait un petit business tous les deux. Tu me les baisses à 25. Moi, je les revends 40. Voilà, par contre, il m'en faut beaucoup. Donc, ce que tu prends pas, tu prends. T'as dit quoi? 25? T'es fou, toi? Bah, sur la qualité, quoi. Je t'en prends beaucoup. Ah, non, mais 25 unités. T'es carré, toi. Ouais, mais si je t'en prends beaucoup, si tu peux en avoir beaucoup. Ah, non, déjà, je prends un petit billet, moi, là-dessus. C'est mon frère. Je vais pas les vendre 25 balles à l'unité, sachant que mon frère, il veut un prix. Ça va pas, quoi. Donc, à 30, bah, éventuellement, à 30. 40. À 30. Non, même 30. 35. Si je t'en prends beaucoup. Bah, ouais, à ce moment-là, ouais, on peut voir. Non, bah, si on peut se faire du. Voilà, on peut se faire du blé facile. Ouais, on peut voir, mais par contre, il faut que j'en parle d'abord à mon. Bah, évidemment. Ouais, j'en parle à mon frère, je vois avec lui, puis si c'est bon, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais après, c'est pas. Si c'est des fausses, on s'en fout, je veux dire, tant que c'est bien fait. Non, c'est pas des fausses, frère, je te dis, c'est des vrais. Il m'a dit que c'était des vrais, il va pas me bito. D'accord, ok. Ouais, de toute façon, moi, je vais te dire, je le verrai si c'est des fausses, parce que je travaille à la répression des fraudes. Donc, à la répression des fraudes, donc c'est ma spécialité. C'est quoi ça? C'est le service de police qui détecte les faux. Ouais. Donc, on le verra tout de suite, quoi. Si c'est des. C'est une blague, va te faire enculer. Non. Qu'est-ce qu'une blague? Que je me fasse mettre. Eh, casse pas les couilles. Si t'es intéressé, tu me les prends. Au pire, je te donne le numéro de mon frère, sinon t'arrêtes de me casser les couilles. D'accord, monsieur. D'accord, ok. Non, mais d'accord, monsieur. Alors, dernière offre, je vous les échange le lot contre 2 ans de prison. Qu'est-ce que. Au choix. Parce que c'est des faux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au choix. C'est quoi? Si je viens ma bite. Comment? Allô? Pardon, on a été coupé, vous? Oui. Je pense qu'elles sont fausses. Oui, je pense qu'elles sont fausses. J'ai un petit doute. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce langage. Je pense qu'il a fait un forfait Gilles de la Tourette à la fin. Ça, c'est des gens malades. À un moment, il se contient, puis ça part tout seul. On a le temps d'écouter un titre? Ah non, là, on a plus le temps. C'était quoi qu'on devait entendre? On devait écouter Clolo Capéo, mais on l'écoutera après la pub. Là, tu vas encore te faire engueuler. Non, là, c'est bon, là. Avertissement. Non, heureusement, je pousse, c'est bon, on va y aller. Allez, bah, tu vas aller aux toilettes, c'est là-bas. Reste avec nous. Dans un instant, on est de retour. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands,